Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz, pardon. Et à l'écoute de l'émission du lundi soir, le calendrier des esclavages et des libérations. Bah oui, parce qu'il y a quand même des libérations. Ah, bah oui. Il n'y a pas que du négatif dans la vie. Parfois, il y a du positif. Alors, programme de ce soir. Eh bien, bon, le calendrier, bien sûr. Ensuite, René Dumont, 1973, un enregistrement qui a été fait en 1973, vous allez voir, enfin vous allez entendre. Alors, Futur Impossible, il avait appelé ça Futur Impossible, René Dumont. Eh oui, il avait prévu beaucoup de choses déjà lui à cette époque, dont on n'a pas tellement tenu compte. On a dit oui, il a raison, mais on a fait autrement. Billet retour, les enfants du nucléaire, alors sur France 24, au Kazakhstan. Le Kazakhstan, le nucléaire soviétique au Kazakhstan, les armes, les bombes atomiques qui ont été testées en présence d'une partie de la population. Alors on voit maintenant les conséquences à court, moyen et assez long terme, disons, hein, de toutes ces choses-là, des gens qui gouvernent en notre nom, qui font en notre nom des choses, des crimes, hein, voilà, qui commettent des crimes en notre nom. Musique, Guy Béard, La Vérité, dossier de l'écran Antarctique 1973, c'est des dossiers de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui passe sur une chaîne de télé, je crois que c'est France 3 ou France 5, je ne sais plus, et enfin j'ai enregistré. Voilà, et vous en profitez, vous en reprofitez, parce que vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, hein. Et il y a des émissions qui méritent d'être vues, revues, entendues, réentendues, hein, parfois. L'anniversaire du FN, Front National, Rassemblement National, le cher Papon, hein, Papon, Papon qui était député du Cher, Papon qui était avant, qui avait des responsabilités sur l'occupation, puis qui a quand même eu des responsabilités comme préfet après l'occupation, longtemps après l'occupation, oui, on aurait pu se douter, on aurait pu savoir, on aurait pu chercher à savoir. Bon, on lui a donné quand même des responsabilités. Hein. Il y en a d'autres qui ont été mis en prison ou fusillés pour avoir collaboré avec l'ennemi, avec l'occupant. Oui. Ben lui, non. Non, il s'en est bien sorti. Alors, ce soir, ils sont assis dessus. Déclaration de François Ruffin. Et puis, la Marseillaise des travailleurs. Une chanson, une chorale, chantée par une chorale soviétique. Et puis après, je vous lirai, moi, la traduction en français des paroles de cette chanson, de cette Marseillaise soviétisée. Hein, et voir ce qu'ils ont retenu, comment ils ont traduit notre Marseillaise dans leur langage à eux. Hein. Musique Jean-Yann dans les bras de Jésus. Hein. Alors ça sera juste après le gouvernement et retire 300 millions d'euros à l'Action Logement. Alors c'est commenté par Éric Coquerel. Éric Coquerel, vous savez, de la France Insoumise. Hein, tout le monde se souvient bien, la France Insoumise. C'est le seul parti qui a monté bien au cours des dernières élections. Qui devrait continuer à monter. Hein, oui. Qui devrait. Mais il y en a qui s'occupent de tout. Hein, et, oui. Là. Des esclavages et libération du 14 novembre. Que s'est-il passé ce jour du 14 novembre? Eh bien, le 14 novembre 1838, par exemple, en Grande-Bretagne, le révérend Stephens, qui considère les capitalistes comme les ennemis de Dieu, appelle les auditeurs enthousiastes à acheter des armes. Oh là là! Le révérend Stephens, qui considère les capitalistes comme les ennemis de Dieu. Eh ben. Eh oui, il faut que les gens ils achètent des armes. Pourquoi faire donc? 1789 peut-être, qui sait. 1844 en France, mort de Flora Tristan, née le 7-4-1803, fille de la noblesse hispano-péruvienne et de la bourgeoisie française. Elle devint paria dans la société où le divorce était illégal et où le mari avait le droit sur les revenus de son épouse. Après un voyage au Pérou, elle s'était engagée dans la double lutte pour les droits des travailleurs et les droits des femmes. Eh oui, il y a toujours eu des gens qui étaient progressistes à toutes les époques, dans tous les pays. Et puis, bon, parfois, ils marquent des points, et puis d'autres fois, non. Ils se fatiguent beaucoup, ils prennent beaucoup de risques, ils prennent beaucoup de coups pour un résultat qui est parfois assez mince. Enfin. 1871, Italie. Garibaldi taille et au socialisme écrit international. Rallié aux socialistes, oui, j'avais mal lu, rallié au socialisme, écrit l'international est le soleil de l'avenir. L'international est le soleil de l'avenir. 1910, France, un projet de loi pour l'arme nouvelle est déposé par Jean Jaurès. Il préconise une réforme de l'armée, s'élève contre le service militaire à 3 ans, refuse l'esprit de caste, souhaite voir naître une armée de masse qui fait partie de la nation et du peuple. Oh là là là là là là là là là, Jean Jaurès, c'est un socialiste de gauche alors, hein? Oh là là là là. Eh oui, on l'a assassiné pour pouvoir déclencher la guerre de 14, qui a fait 8 millions de morts. Eh oui, un assassinat d'abord et 8 millions de morts ensuite, 8 millions d'assassinats. 1917, Russie, établissement du pouvoir des soviets à Tachkent. 1918, Allemagne. Lors d'un meeting à Berlin, les spartakistes lancent une campagne de mobilisation de masse en vue de donner le pouvoir au conseil d'ouvriers et de soldats. Conseil d'ouvriers et de soldats, 1918 en Allemagne. Donc l'Allemagne était en train d'aller vers la gauche. Hein ? Oui, mais il y en a qui se sont occupés du problème et qui l'ont résolu le problème. Eh oui, en faisant élire Hitler en 1933. 1935, Allemagne. Tous les fonctionnaires juifs sont licenciés. Le mariage entre juifs et non-juifs est interdit. Les enfants juifs n'ont plus le droit d'utiliser les terrains de sport avec les autres enfants. Et voilà la société. Vous voyez, 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Hitler, par les élections, hein, par les élections, à cause des 6 millions de chômeurs qu'il y avait à l'époque. Hein. Le chômage, ça peut amener des catastrophes mondiales, le chômage. Et actuellement, des chômeurs, on en a 6 millions en France. Et puis en Allemagne aussi, et dans d'autres pays aussi, il y en a beaucoup. Hein. Oui, à l'époque, il y avait pratiquement qu'en Allemagne qu'il y avait autant de chômeurs. Et oui. Ça a amené Hitler au pouvoir. Hitler, le fascisme, le nazisme et le génocide, la Deuxième Guerre mondiale, 64 millions de morts, etc. Voilà, les électeurs, parfois, comment, quand ils sont mal informés, eh bien, voilà. 1938, France, au congrès de la CGT à Nantes, une motion appelant à la lutte est votée à l'unanimité. Mais le patronat et le gouvernement ne veulent rien lâcher. L'épreuve de force attendue depuis le début du Front populaire est engagée. 1940, Grande-Bretagne. L'aviation allemande attaque la ville de Coventry. C'est la plus importante attaque aérienne depuis le début de la guerre. 500 appareils, 500 tonnes de bombes. Sur les 75 000 maisons, 60 000 sont détruites. On compte 568 morts. Le signal des bombardements de terreur de part et d'autre est donné. Ah oui, parce que les Alliés vont se mettre aussi à pratiquer les bombardements de terreur. Après, progressivement. Eh oui. 1941, USA, les 53 000 mineurs des mines de charbon possédés par le trust de l'acier cessent le travail. Ils demandent de meilleurs salaires et le contrôle de l'embauche par le syndicat. Une grève de solidarité de 100 000 autres mineurs appuie leurs revendications. La plus grande puissance du monde trébuche un instant. Un instant. Oui, trébuche. 1957, URSS. La conférence internationale des partis communistes, réunie à Moscou, déclare qu'à son avis, dans les États capitalistes, régis de façon parlementaire et démocratique, une transformation de la société peut être accomplie pacifiquement par la formation d'une majorité parlementaire. À cette même conférence, on condamnera le dogmatisme stalinien et le révisionnisme de Tito. Hein, 1957. 1973, Grèce. La décision d'une occupation illimitée de l'école polytechnique d'Athènes est prise en assemblée générale. La radio des étudiants commence à émettre. La radio des étudiants. Radio des étudiants. Vous rendez compte un peu, hein, des gens qui faisaient des radios. Mon Dieu, Dieu. Oh là là là là. Pourvu qu'ils n'aillent pas jusqu'à inventer les radios libres, bon sang. Hein? Oh, ça serait mettre en danger, certains. C'est le début de l'explosion populaire au cri de « du pain » et de l'instruction, de la liberté. Abba Papadopoulos, Papadopoulos, les Américains dehors, pouvoir populaire, en 1973 en Grèce. Hein, voyez, oui, la roue tourne, les choses avancent. Ça avance et ça recule, comment veux-tu. 1974, Argentine, la double bataille des ouvriers du Pérou entre... Contre la corruption patronale et judiciaire et contre le syndicalisme jaune du ministère du Travail, syndicalisme jaune. Est-ce que ça existe, le syndicalisme jaune? Oh, c'est une invention. Syndicalisme jaune. Oh, mais non. Allons. Le syndicalisme jaune du ministère du Travail s'achève. Les salaires en retard sont payés. 1980, Pologne, l'épiscopat catholique met en garde contre le résultat de menace de l'intervention soviétique, contre la réalité de la menace de l'intervention soviétique. Il lance un appel à la sagesse pour garantir l'installation de l'État, l'institution de l'État, et le souveraineté de la patrie. Voilà, l'Église polonaise était très efficace, très moderne, très progressiste. Hein? Ah oui, souvent l'Église. Ah oui, 1982, Pologne, Lech Wałęsa, libéré de prison, regagne son domicile. Il proclame « Nous allons gagner ». Il se dit prêt à négocier raisonnablement, mais pas à genoux. Voilà, c'est bien. On a vu après que bon, le progrès était pas si progressif, si progressiste que ça, hein? Mais non. 1983, France, la veille de la discussion du budget à l'Assemblée nationale, un mot d'ordre de grève lancé par l'ensemble des syndicats est largement suivi dans les houillères du centre midi et du nord. 1983, Guatemala, selon la Fédération internationale des droits de l'homme, 15 000 personnes ont disparu dans ce pays depuis la prise du pouvoir du Ríos Montt le 23/3/1982. 1983, Turquie, de lourdes peines, 5 à 8 ans de prison, sont prononcés contre les anciens dirigeants du comité pour la paix. Des peines de prison contre les dirigeants du comité pour la paix. Hein? Voilà. On est bien gouverné, hein. On ne mérite pas d'être gouverné comme ça. Non. Les électeurs les plus naïfs ne méritent pas ce qu'ils subissent et ce qu'ils font subir aux autres. Les électeurs allemands qui ont voté pour Adolf Hitler en 1933, ils ne méritaient pas d'être emmenés à la guerre en Ukraine, en Russie, en Afrique et un peu partout pour se faire massacrer, pour se faire tuer et massacrer des gens qui ne leur avaient rien fait. Non, absolument pas. Mais voilà, ils ont été induits en erreur. Si on n'induit pas en erreur l'électeur, comment voulez-vous ? Hein, ils risqueraient de voter intelligemment. Et ça sera embêtant pour nos gouvernants. 1984, Suisse, à Genève, un seul diamant est vendu pour 11 millions de francs. Ce même jour, 40 000 enfants meurent de malnutrition à travers le monde. Alors, je reprends, 1984, Suisse, à Genève, un seul diamant est vendu pour 11 millions de francs. Ce même jour, 40 000 enfants meurent de malnutrition à travers le monde. Eh ben, on est fiers de faire partie de l'espèce humaine, quand on apprend des choses comme ça. Ah oui, on est fiers. Ah oui, oui. On est fiers de vivre en démocratie, de voter intelligemment. Hein? Ah oui, oui. Tout à fait. Mais vous considérez toujours que ce que les pays riches consomment, surtout en matière agricole, ils le prennent en quelque sorte aux pays pauvres. Et vous dites par ailleurs que la seule voie de développement des pays pauvres, c'est une voie justement indépendante et autarcique. Est-ce que dans cette façon très, très éloquente de présenter les choses, il n'y a pas quand même un petit peu de... on ne détourne pas un petit peu la réalité? De toute façon, les ressources alimentaires des pays pauvres viendront d'eux-mêmes, et non pas des autres. Naturellement qu'ils viendront d'eux-mêmes, mais actuellement, avec les termes de l'échange, avec le fait qu'on leur sous-paye leurs matières premières, qu'on leur sous-paye leurs produits agricoles, ils ne peuvent se procurer avec cet argent que des quantités insuffisantes de biens d'équipement, et surtout, nous leur avons appris notre type de civilisation. C'est là le drame essentiel. C'est-à-dire qu'il y a chez eux une minorité privilégiée qui cherche à vivre à notre exemple. Nous envoyons des coopérants là-bas qui ont un salaire colonial, le double de ce qu'ils gagneraient en France, qui vivent à côté de paysans. Je reviens de Haute-Volta, il y a des coopérants qui gagnent 10 000 francs par mois, et le paysan moyen de Haute-Volta gagne 200 francs, pas par mois, mais par an. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre à la porte les coopérants qui pourtant peuvent les aider dans d'autres domaines? Oui, mais il y a des coopérants qui ne gagnent pas 1 million par mois. Il y a Frères des Hommes, par exemple, je reviens de Haute-Volta où je les ai vus au travail. Ils vivent simplement à côté des paysans. Alors je vais vous poser une question très précise. Vous parlez de la croissance zéro. Supposons un instant qu'il n'y ait pas le tiers-monde. Seriez-vous encore, pour nous, partisans de la croissance zéro? C'est-à-dire, est-ce que vous nous dites, il faut que vous pensiez un peu, que vous sortiez de cet égoïsme féroce qui est le nôtre et que vous pensiez au tiers-monde, ou bien, de toute façon, si vous continuez comme ça, vous allez à la catastrophe? Quelle est votre raison de choisir la croissance zéro? Non, pardon, je n'ai pas choisi la croissance zéro. La croissance zéro, c'est le titre du Club de Rome, Halte à la croissance. J'ai choisi une autre croissance. Robert Lattès a d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle « Pour une autre croissance ». Alors, votre position? Alors, ma position, c'est pour une autre croissance, c'est-à-dire pour une croissance qui ne gaspille pas autant, pour une croissance dans laquelle on fait le recyclage de l'ensemble des réserves minérales qui risquent de manquer, une croissance dans laquelle on ne fasse pas tous les mois une ramification d'autoroute vers le sud en plus, où on n'ait pas cet embouteillage extraordinaire et où on n'ait pas cette adaptation de Paris à l'automobile, comme on a parlé en très haut lieu. Paris a tout de même 2000 ans, l'automobile n'a que 100 ans, et sacrifier Paris à l'automobile, c'est tout de même pour moi quelque chose de spécialement pénible. C'est finalement pas un péché, la croissance? La croissance, mal orientée, peut être un péché. Enfin, le terme de péché ne me convient pas beaucoup. On se souvient, M. Dumont, de la polémique qu'avait fait naître l'an dernier, à cette époque, la lettre de M. Montchault, en particulier avec M. Marché, le secrétaire général du Parti communiste, qui lui reprochait d'annoncer un monde de misère et de répression économique. Est-ce que vous n'avez pas la peur, vous ne craignez pas d'être critiqué, vous aussi, par le Parti socialiste, le Parti communiste? Oui, enfin, plutôt le Parti communiste. Je pense que Georges Marché a pris la défense de l'automobile de la famille ouvrière. Et pour ma part, j'estime que toute automobile de loisirs représente actuellement un luxe insupportable. Évidemment, c'est une nécessité dans les circonstances actuelles. Luxe insupportable parce que nous n'avons rien fait pour le développement des transports collectifs. Les autobus de Paris roulent à 9,3 km à l'heure, alors que les autobus à chevaux de 1890 roulaient à 9,5 km à l'heure. Nous sommes en train d'aboutir à une impasse totale dans notre conception de la ville. À vous écouter, même les travailleurs ou les ouvriers deviennent des exploiteurs. Quand ils ont une automobile de loisirs, mais naturellement que ceci est dans le schéma actuel qui les a forcés à avoir ça. C'est le schéma que j'attaque, c'est pas l'homme qui a une voiture. Ils ont aussi une automobile de travail. Alors dans ça fait deux automobiles, une double raison de se faire attaquer par M. Dumont. Le plus souvent, une automobile de travail. Dans les campagnes françaises, on ne peut pas nier que l'automobile a changé la vie, qu'elle permet de garder les enfants chez soi en les conduisant au lycée ou au collège, et qu'elle permet toutes sortes d'échanges qui n'existaient pas précédemment. Évidemment, parce qu'on n'a pas développé les transports collectifs, l'automobile privée est indispensable. Mais les transports collectifs auraient rendu les mêmes services avec une dépense beaucoup moindre. Alors qu'est-ce qui vous fait pour revenir? Je m'excuse, je pose une question concrète. Il faut revenir au temps du cheval ou au vélo? Non, il faut organiser les transports collectifs. Il faut d'abord utiliser à plein le rail qui transporte sur 10 mètres de large 50 000 travailleurs à l'heure, tandis que l'automobile et l'autoroute sur 36 mètres de largeur transportent 5 000 personnes à l'heure. Alors il n'y a aucune comparaison dans le coût, dans le débit et dans les détériorations sur l'environnement. Oui, mais que faire de tous ceux qui travaillent de l'automobile et l'automobile? Ceux qui travaillent de l'automobile, actuellement, les OS se plaignent des cadences infernales. J'ai entendu leur cri sur les cadences infernales le 1er mai. Alors, si on ne fait plus l'automobile en quantité comparable, les cadences se réduisent et leur sort s'améliore. Mais les mots que vous dénoncez beaucoup de gens sont absolument unanimes, enfin sont absolument d'accord là-dessus. Je veux dire qu'il y a une fraction de plus en plus large de l'opinion qui commence à trouver que la civilisation de l'automobile, la civilisation de l'embouteillage, etc., comment dire, a le bol. Ce qu'il y a, c'est que vous proposez des solutions qui sont tout à fait justes, je crois, tout à fait raisonnables, sur un certain nombre de points précis, et puis on a l'impression que, pour vous, il faut aller au-delà, qu'il faut absolument tout changer, qu'il faut changer radicalement l'organisation du monde. Le problème se pose vraiment en termes politiques, je crois, pour vous. Ah, naturellement, le problème se pose en termes politiques, mais ce qui m'a incité à le poser en termes politiques, ce sont les injustices croissantes à l'échelle mondiale. En 1700, l'écart du pays le plus riche et le plus pauvre était de 1 à 4. En 1973, entre la Haute-Volta $50 et les États-Unis $5000, il est de 1 à 100. Si on prolonge les courbes d'Hermann Kahn, il nous dit qu'il y aura $20000 de moyenne en l'an 2060. Mais il ne dit pas si ces $20000 de moyenne seront la moyenne entre 39800 pour les riches et 200 pour les pauvres, parce que 39800 plus 200 sur 2, ça fait 20000. Je crois que c'est le moment de faire intervenir le témoin surprise secret de ce soir. Il est dans un autre studio que ici, à la maison de la télévision. C'est M. Pierre Uri, qui est économiste et politicien. Vous avez suivi, M. Uri, le débat depuis le début. Je vous laisse répondre aux thèses de M. Dumont. Mes chers René Dumont, vous êtes un spécialiste des prévisions catastrophiques. Et malheureusement, quelquefois, l'événement vous donne raison. Tout de même, cette fois-ci, vous allez peut-être un peu loin. Vous nous menacez de la fonte de la calotte glaciaire pour la fin du siècle. Il paraît que le niveau des océans s'élèverait de 60 mètres et toutes les grandes villes du monde se trouveraient d'un seul coup submergées. Il faut dire qu'à ce degré-là, je ne vois plus qui serait responsable et quelle action politique serait possible. Alors, revenons maintenant aux limites de nos prévisions. Il y a un domaine où vous êtes orfèvre. C'est celui de l'agriculture. La tragédie, c'est la sécheresse aujourd'hui. Est-ce cependant une base pour faire des prévisions à long terme? Et puis, lorsque nous dépassons le domaine de l'alimentation, alors, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous nous proposeriez ces transformations dramatiques s'il n'y avait pas eu le rapport du Club de Rome? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de céder à une mode? Car vous comme moi, nous sommes peut-être assez vieux pour avoir vu successivement les idées fluctuer, la pénurie d'énergie qui était remplacée tout d'un coup par sa surabondance, et aujourd'hui on craint de nouveau la pénurie. Je crois qu'il serait sage de prendre une vue un peu plus indépendante du moment. Et puis, le deuxième problème que j'ai à cœur, comme vous, c'est celui de la répartition entre les pays développés et les pays sous-développés. Seulement, on vous l'a dit tout à l'heure, d'abord, nous pourrions d'autant moins les aider que nous produirions moins, mais cela n'est pas mon propos fondamental. Vous avez vous-même proposé que les matières premières se payaient plus cher. Bien sûr, la meilleure manière, c'est d'abord que la demande s'en accroisse par rapport à la production. Vous avez aussi proposé, et je suis 10 fois d'accord, que nos pays s'ouvrent davantage aux productions industrielles des pays en développement, et c'est probablement en effet le seul moyen de relever efficacement leur niveau de vie. Seulement, tout le problème est de savoir si nous le ferons plus facilement dans notre propre croissance ou au contraire en l'arrêtant. Plus généralement, est-ce qu'il est plus facile de redistribuer dans une économie que vous voudriez plus statique, ou bien est-ce que c'est au contraire en inventant, en innovant, en développant sans cesse qu'il ne sera plus aisé de faire place à ces productions des pays en développement qui sont la condition de leur survie? Professeur René Dumont. Eh bien, je pense que la tragédie n'est pas seulement la sécheresse. La tragédie est qu'on a faim, aussi bien en Afrique tropicale qu'au Bangladesh, les bonnes années. Au Bangladesh, les sans-terres, les ruraux qui n'ont pas de terre et qui représentent 20% de la population, m'ont dit qu'en bonne année, ils avaient 8 mois de travail pendant lesquels la famille et eux mangeaient 3 repas par jour, mais qu'en mauvaise, en période de chômage, ensuite, en bonne année, ils ont 4 mois où la famille ne fait qu'un repas par jour. Donc, la famine est présente. Vous me dites que je suis le Club de Rome, mais je m'excuse, mais Mon livre « Nous allons à la famine » date de 1966 et le Club de Rome a été fondé par mon ami Aurelio Peccei en 1968. Donc, 2 ans avant que l'on pense à organiser le Club de Rome, j'ai annoncé que si on n'arrêtait pas l'explosion de la population, nous irions à la famine. Donc là, j'ai 4 ans d'avance sur le Club de Rome, 6 ans d'avance sur les publications du Club de Rome. Donc, je me suis joint à eux. En ce qui concerne la famine, vous avez tout à fait raison. En ce qui concerne les dangers du développement de la production industrielle, l'épuisement des ressources, les pollutions, je crois que la thèse est plus neuve et d'ailleurs plus contestable. Oui, et ça je vous donne entièrement raison, c'est sur ce point-là que la demande est plus contestable, mais cependant, je ne vous suis pas Pierre Hury quand vous dites qu'il faut que la demande s'en accroisse pour que les prix augmentent, parce que pour certaines denrées, je demande une organisation mondiale des marchés des produits agricoles, je demande que de Ceylan à l'Inde, à l'Afrique orientale et à l'Argentine, les producteurs de thé s'organisent en Office national de vente du thé, Fédération internationale vendeur unique de thé, un peu à l'exemple de ce qu'ont fait l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, qui, de cette façon, ont pu remonter le prix du pétrole. Par ailleurs, si je demande un arrêt des croissances dévastatrices, comme les armements, par exemple, un arrêt des croissances destructrices de matières premières, c'est parce que tout de même, René Dubos et Barbara Ward, avec qui j'ai travaillé à Columbia University New York en avril de l'an dernier, il y a juste un an, m'ont montré, et tout de même, que nous n'avons qu'une terre. Hein. François Le Lyonnais. Quand vous parlez de moyens politiques, nous serons d'accord. Quels qu'ils soient, réformisme, révolution, on peut les envisager. Mais très souvent, je vous vois faire appel à quelque chose qui me semble mystique. Vous parlez de forger un homme nouveau. Mais, alors ça, je ne sais pas très bien comment vous allez le faire. Ah oui, ça, évidemment, c'est le point le plus difficile. Culture. C'est le point le plus difficile, l'homme nouveau. Ben, l'homme nouveau, tout de même, j'envisage sa formation, je précise sa formation par un certain nombre d'indications. L'homme nouveau va à l'école et travaille à l'école. Et fait à l'école du travail manuel pour commencer. Tous les hommes vont dans la même école, tous les hommes travaillent, mangent ensemble et produisent ensemble. Figurez-vous que pendant la Première Guerre mondiale, de 1915 à 1919, à Évreux-Eure, je faisais chaque jour environ 1h30 de travail manuel à ramasser le crottin dans les rues, crottin de cheval, il y en avait en ce temps-là, dans les rues d'Évreux pour mon jardin, et ensuite à nourrir mes 50 lapins. J'ai fait tout mon lycée en faisant les vacances à la campagne, vacances à la ferme, la fourche à fumier, la fourche en foin à la main, et jamais je n'ai regretté d'avoir été contraint par les événements, parce qu'il fallait manger, à un tel effort. Et nos lycéens qui ne vont, nos étudiants ensuite, qui ne font aucun travail manuel, sont des êtres atrophiés. Et ils n'ont que le développement abstrait des choses, ils ne savent pas ce que c'est que le travail manuel. Et ensuite, eh bien, cet homme nouveau, il sera astreint au travail manuel toute sa vie. Pourquoi est-ce que le professeur d'université n'irait pas ramasser les ordures 1 heure par jour avant d'aller faire son cours en Sorbonne? Est-ce que vous croyez que ça lui ferait c'est du mal? C'est des frissons qui passent dans ce coin-ci. Est-ce que vous croyez que ça lui ferait du mal d'aller ramasser les ordures pendant 1 heure? Ou d'aller cultiver les champs pendant les vacances scolaires, d'aller travailler à la ferme? C'est une recommandation que vous feriez pour les étudiants d'aujourd'hui? Mais naturellement, mais mes étudiants d'Ottawa, j'ai enseigné à Ottawa, gagnent, même de familles bourgeoises aisées. Quand ils ont 10 ans, ils vendent des journaux parce qu'ils auraient honte à 10 ans de demander de l'argent de poche à leurs parents, alors que nos gosses de familles bourgeoises reçoivent l'argent de poche de leurs parents. Donc ils vont tous les jours distribuer les journaux. Et quand ils sont étudiants, 5 mois par an, ils travaillent pour gagner leurs 7 mois de scolarité, même quand les familles ont les moyens de leur payer leur scolarité, parce qu'ils sont, fiers de gagner leur vie très tôt. Nos étudiants, certains le font, certains travaillent, mais à niveau égal de revenus, en famille française, ça ne se fait pas. Ce sont des privilégiés, par exemple, aussi. Ce sont plutôt des malheureux que des privilégiés. Parce que le contact avec le travail, quand mes étudiants d'Ottawa en géographie reviennent d'aller récolter le tabac avec les ouvriers du tabac, c'est normal. Ils ont des choses à m'apprendre. Ce sont des étudiants en agronomie. Non, ce sont des étudiants en géographie. Fait que à Ottawa, je suis professeur de géographie, je suis pas professeur d'agronomie. Les expériences terriennes du monsieur professeur Dumont, beaucoup les ont faites, elles sont certes profitables, mais que tu as décidé que l'on enverra et tous les jeunes gens passaient leurs vacances à la campagne, ça me paraît effectivement, comme vous le dites, de l'utopie. Mais surtout, ce qui me paraît plus grave dans cette affaire, et j'y reviens, c'est votre décision, en quelque sorte, de limiter de notre côté la création de richesses. Et sur ce point, je voudrais insister parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Absolument. Je vais citer un exemple, si vous le permettez. En 1961, par tête d'habitant, la France était le deuxième pays pour l'aide aux pays sous-développés. Et en pourcentage, et en 71, c'est toujours la même chose, de même en pourcentage du produit national brut. Mais en valeur absolue, la France est devenue le quatrième pays. Or, qu'est-ce qui est important? C'est la masse d'argent que l'on apporte à ces pays. Et elle est passée derrière le Japon et l'Allemagne en valeur absolue, parce que la croissance au Japon et en Allemagne était supérieure. Donc, je vous demande, monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez vraiment nous dire que la limitation de la croissance chez nous, pays développés, est l'idéal pour faire en sorte que les autres aient ce dont ils ont besoin? Vous dites que ce qui est important, c'est la masse d'argent. Ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est la manière dont on les aide. Or, si vous avez lu le rapport Corse, rapport que le gouvernement français n'a pas osé publier, vous y verrez que la plus grande partie de ce que nous appelons l'aide va d'abord sous forme d'aide militaire, ensuite sous forme d'aide aux départements et territoires d'outre-mer qui ne sont pas les pays du tiers-monde. Ensuite vont surtout à l'éducation, à l'enseignement, à l'action culturelle. Or, cet enseignement français en Afrique, cet enseignement français dans les pays du tiers-monde est une catastrophe parce qu'il enseigne aux fils de paysans à mépriser la terre, à ne plus travailler la terre, et il en fait des chômeurs actuellement. Monsieur Dumont, je crois, tout le monde sera d'accord pour dire que vous êtes, et c'est votre mérite pour notre monde, gênant. Parce que vous nous mettez sous les yeux la réalité du tiers-monde et notre égoïsme, notre exploitation féroce, c'est vrai. Mais quand vous réfugiez dans une utopie, quand vous expliquez qu'il faudra tout réorganiser sur le monde pour améliorer, on a l'impression que vous provoquez un découragement, alors qu'il faut faire des actions concrètes, comme vous venez de l'expliquer. Et pour le tiers-monde, pas pour nous seulement. Si par exemple, je complète peut-être un peu la question de François de Closet, si vous étiez chef d'un État africain, qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, est-ce que vous laisseriez s'installer chez vous des industries qui polluent, ce qui vous permettrait peut-être de voir démarrer l'économie de votre pays, ou alors vous laisseriez votre pays s'enfoncer tout doucement dans la misère et dans le passé? Mais il y a peut-être d'autres solutions que l'industrie polluante. On peut faire des industries moins polluantes, et puis actuellement, ils ne sont pas à un degré de pollution tel que cela les menace. Non, ce qu'il faudrait, c'est leur demander de compter plus sur leur propre force, c'est-à-dire de mobiliser leurs travailleurs. Dans un village bengali, je n'ai pas vu plus de 25% de la population totale au travail. Dans un village chinois, j'ai vu plus de 50% de la population totale au travail. Dans un village bengali, j'ai vu des hommes qui m'ont dit « nous cherchons du travail ». Or, dans chaque village où il y avait 20% de la population en chômage, en l'espace d'une demi-heure de temps, je pouvais esquisser un plan de travail pour donner du travail à tous les chômeurs. Mais le système de propriété des terres et des tanks, des réservoirs d'irrigation, était tel que ces forces productives cachées ne pouvaient pas s'employer. Oui, quelles sont les chances pour que ces conditions politiques du développement se produisent? Ben, les chances, c'est qu'on éveille la prise de conscience des gens sur l'extrême gravité de la situation. Non, pardon, excusez-moi de vous interrompre. C'est l'extrême, c'est le but de mon livre, c'est d'éveiller chez les Français d'abord, et chez ceux qui me liront à l'extérieur ensuite, une prise de conscience de l'extrême gravité de la situation, parce qu'elle n'a jamais été si grave. C'est encore aux Blancs à donner des leçons ou des indications ou des recommandations aux pays de couleur, aux peuples de couleur. Non, c'est à eux à prendre conscience eux-mêmes de l'extrême gravité de leur situation. Oui, il y a dans votre livre une phrase, enfin même le titre d'un chapitre, qui dit « La faute est aux riches des pays riches ». C'est tout à fait dans la ligne de ce que vient de dire de Closet. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que la faute est sans doute aux riches des pays riches? Vous mettez en cause par là tout le système, au fond, capitaliste libéral. Bon, ça c'est une option. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut dire aussi que la faute est grandement aux riches des pays pauvres? Parce que vous raisonnez comme s'il y avait un tiers-monde homogène et sans classe sociale et sans structure politique. Il y a longtemps que j'ai attaqué les riches des pays pauvres. Ça a été le but essentiel de mon attaque dans l'Afrique noire et mal partie. Mais une fois que je les ai eus attaqués dans l'Afrique noire et mal partie, je me suis retourné vers moi-même, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit que ces riches des pays pauvres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient nous imiter. Samir Amin, dans l'Afrique de l'Ouest bloquée, nous dit la seule différence qu'il y a entre l'Afrique de l'intérieur pauvre et l'Afrique côtière riche, c'est qu'il y a 2% de gens vivant au niveau européen dans l'intérieur et 7% sur les pays de la côte, mais le niveau de vie des paysans est le même. Par conséquent, ces riches des pays pauvres ont une responsabilité, mais ce sont nos élèves. Vouloir forger un homme nouveau, on en a convenu, c'est assez utopique. Mais vous voulez également éveiller la conscience aussi bien chez les riches que dans le monde entier. Je ne crois pas que vous y arriviez de cette manière-là. Je suis convaincu que ce sont des commencements de catastrophes qui finiront par réveiller l'humanité. Je crois que l'humanité, ce ne sont pas des bonnes raisons qui l'amènent. Ce ne sont pas des prévisions à long terme ou même à court terme. C'est la réalité quand elle commence à se brûler. Alors là, je crois qu'elle commence à agir. Je pense qu'il y aura, dans un incendie prochain de grands magasins à Paris, 300 morts parce que les pompiers ne pourront pas arriver faute de voitures. Et je désire qu'un tel accident arrive parce qu'il n'y aura ainsi que 300 morts, ce qui sera vraiment très limité par rapport aux morts qu'il pourrait y avoir s'il y avait par exemple une guerre atomique. Mais pourquoi vous appelez le malheur ou la catastrophe sans cesse ? Mais pour que les gens prennent conscience de l'extrême gravité de la situation. Oui. Actuellement, le malheur est là. Il est dans les pays en voie de développement, mais les gens le voient trop loin d'eux et ils ne se rendent pas compte. Quand ils l'auront chez eux, ils comprendront un peu mieux. Monsieur, il y a plusieurs questions. Hugues-Vincent Barre. Je pense que vous niez la capacité de maîtrise des nuisances des pays développés. Du moins, est-ce ce que j'ai lu. Eh bien, je pense pour ma part que notre société a perdu totalement. Trois contrôles. Elle a perdu le contrôle de sa démographie. Elle a perdu le contrôle de son modèle de production et nous développons le chômage dans les pays en voie de développement. 30% de chômeurs dans les jeunes de 15 à 24 ans et dans certaines villes, c'est les deux tiers. Et nous avons perdu le contrôle de notre modèle de consommation. Parce que ce modèle de consommation dont j'ai donné le symbole, l'automobile privée, est vraiment quelque chose d'absurde. Mais alors quel exemple allez-vous nous donner ? Vous allez revenir à la Chine ? On n'a pas perdu le contrôle de la démographie. Ah, le contrôle de la démographie, jamais la population n'a augmenté aussi vite pas qu'elle pas en Europe. Qu'elle n'augmente à l'échelon mondial. En Europe, la progression est de 0,8%. Pour la France, elle est de 0,6 à peine. 0,6, mais avec l'immigration, ça fait 1% de progrès annuel de la population française. Et dans le reste du monde, elle est de 3 et quelque chose. Non, la moyenne mondiale est de 2. La moyenne mondiale est 2% aujourd'hui, ce qui ferait 1500 habitants par mètre carré en 3000 si on continuait. Mais la moyenne des pays du tiers-monde est autour de 2,6%. Seulement, il y a des pays qui dépassent 3%. Est-ce que le repli ou même la stagnation démographique est une position tenable ? Regardez, deux pays qui en font l'expérience, l'URSS d'une part et le Japon d'autre part, eh bien, ils n'ont rien de plus pressé maintenant qu'ils sentent le vent de la stagnation démographique souffler que de pratiquer des politiques natalistes presque. Enfin, en tout cas, en URSS. C'est ce qui m'inquiète. En URSS, il y a beaucoup de place, mais au Japon, il n'y a pas beaucoup de place. Et ce sont ces mesures qui me paraissent les plus inquiétantes. Mais est-ce que cela ne veut pas dire quand même qu'il ne faut pas considérer uniquement le chiffre global de la population dans un pays ou dans une société, mais sa composition? Ce qui gêne les Japonais, ce n'est pas d'être un peu moins nombreux qu'avant, c'est d'avoir une structure de la population active qui change complètement, plus de vieillards et pas assez de jeunes, etc. Oui, mais le vieillissement est inéluctable si on veut arrêter la population. Et le vieillissement est une chose qui pourrait ne pas représenter une catastrophe si on savait utiliser les gens d'un certain âge. J'ai eu 60 ans en Chine en 64 et la commune populaire où je me trouvais, à qui j'ai déclaré que je venais d'avoir 60 ans, m'a dit que je passais dorénavant dans la catégorie des travailleurs assis. Alors qu'avant, la veille, j'étais dans la catégorie des travailleurs debout. Cela veut dire que, je suis encore travailleur assis en ce moment, cela veut dire que je n'étais plus appelé à faire des travaux de force. Mais j'étais encore appelé dans la commune populaire chinoise à travailler. Et pour ma part, je vous chicanais sur un petit détail, sur la démographie, mais enfin j'avais à cœur de vous le dire. Vous dites quelque part, il suffirait que chaque futur couple ait une moyenne de 2 enfants pour que la progression continue encore longtemps. Alors non, je dis qu'elle va plutôt reculer, pour peu qu'il y ait quelques célibataires dans l'ensemble. Mais enfin, ce n'est qu'un détail. Mais ça, c'est Sauvy qui l'avait dit. Ah. Mais à l'heure actuelle, d'ailleurs, la population des États-Unis est stabilisée, en fait, pour le moment. Enfin, ah non, ils sont au taux de renouvellement, pratiquement, aux États-Unis. Oui, mais enfin, au taux de renouvellement, le chiffre augmente chaque année. Il y a aussi une certaine immigration aux États-Unis qui fait que le chiffre augmente. Mais alors, comment faire pour que, en somme, le malheur du tiers-monde vienne jusqu'à nous ? Parce qu'au fond, le grand problème, c'est que nous, si péniblement, nous essayons de résoudre le problème du malheur ici, mais le problème du malheur là-bas, nous ne voulons pas le voir, il ne vient pas jusqu'à nous et nous l'ignorons. C'est bien ça le drame. Est-ce que le problème des OS n'est pas le problème du tiers-monde ici ? Le tiers-monde parmi nous. Par ailleurs, un ami qui est au State Department aux États-Unis me disait que leur politique au State Department progressait au même rythme que celui de la fabrication de la bombe atomique chinoise. Je pense que c'est là un facteur de réflexion intéressant. Mais qui pourrait décider, m'empêcher de ne pas partir en vacances ou de ne pas acheter une voiture ou une seconde voiture ou de dîner avec des amis tout à l'heure dans un grand restaurant ? Eh bien, naturellement. Si j'en ai les moyens. Mais naturellement. Vous êtes des privilégiés et vous continuez à vivre une vie de privilégiés, moi aussi d'ailleurs. Mais qui pourrait prendre la décision de m'en empêcher dans votre raisonnement ? Eh bien, dans mon raisonnement, c'est une série de mesures fiscales qui vous inciterait à vivre autrement. Mais cette série de mesures fiscales que je propose, ce n'est pas le Parlement demain, ce n'est pas le gouvernement de M. Mesmer qui va l'adopter. Je suis en train de montrer qu'un jour s'imposeront des mesures qui changeront radicalement notre conception de la vie, mais qui nous feront une autre conception de la vie, une conception où on vivra plus directement, plus près de la nature, où on aura la jouissance d'être moins que la jouissance d'avoir. Et alors il faudra marcher avec la matraque ? Non, pas marcher avec la matraque. Si on réalise une allocation centralisée des ressources rares à l'échelle mondiale, eh bien, il est évident que nous aurons moins la possibilité de gaspiller. Mais c'est dramatique de voir comme vous avez raison à la fois et comme c'est tout à fait impossible. Effectivement, il serait très bien, il faudrait tout organiser et répartir à l'échelle du monde. Mais d'un autre côté, et comment va-t-on y arriver ? Par quel mécanisme, autre que de tout changer du jour au lendemain ? Mais non, le mécanisme est déjà en route. C'est l'organisation des pays producteurs de pétrole qui vont vous rationner en pétrole. Mais ce sont des pays riches, c'est le contraire des pays pauvres. Mais ils vont vous rationner en pétrole parce qu'ils ont intérêt à ne pas aller trop vite dans leur exploitation. Ils ont intérêt à maintenir les prix très élevés. Et vous savez que la crise de l'énergie a commencé aujourd'hui aux États-Unis. Par ailleurs, vous avez un autre critère de démolition de notre système actuel, ce sont les troubles monétaires. Vous voyez bien qu'on a perdu le contrôle de la monnaie. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, justement, notre civilisation a des ressources technologiques extraordinaires, et je dirais, c'est peut-être le plus dramatique, des ressources technologiques probablement pour se passer, justement, du tiers-monde, pour l'ignorer, et qu'en particulier, vous parlez de la crise de l'énergie aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une crise de l'énergie ? Est-ce que vous ne pensez pas que la technologie réussira pendant très longtemps à surmonter les crises, quitte à capter l'énergie solaire, quitte à capter l'énergie de fusion, et continuera en se moquant des problèmes qui se passent au Sud ? Est-ce que c'est pas ça le véritable drame, que la technologie peut surmonter ces problèmes et que finalement, elle peut oublier ceux des autres ? Eh bien, le pétrole, nous dit Le Monde de ce soir, va manquer dans la période 1985-1990, avant que l'énergie nucléaire et l'énergie solaire soient en état de prendre la relève. Il y aura donc une période, et vous la connaîtrez cette période, pendant laquelle la crise de l'énergie va être prédominante, et par le biais de l'énergie, le tiers-monde pourra un jour nous dicter ses conditions. On estime qu'il y a 250 ans de charbon. Oui, mais on l'abandonne, le charbon. Mais on peut le gazifier, on peut faire du méthane. Oui. La technologie a toujours une solution. Oui. Et c'est peut-être ce qu'il y a de dramatique, d'ailleurs. Oui, on s'appuie tellement sur le pétrole actuellement qu'on a abandonné toutes ces installations et que le temps qu'on les refasse, les installations, on manquera d'énergie. Bertrand Jouvenel raconte une petite histoire. C'est qu'au 19e siècle, quelqu'un s'est avisé qu'avec le goût des voyages qui se répandait, etc., eh bien, bientôt, il n'y aurait plus assez de chevaux. Et que par conséquent, il faudrait limiter l'usage des chevaux, ou en tout cas le rationner, et puis faire une politique dans ce sens-là, etc. Et puis il se trouve qu'on a inventé le chemin de fer avec l'automobile. Oui, de même que quand on a manqué de bois, on a inventé le charbon. Mais Bertrand Jouvenel me rappelait aussi qu'il n'y avait pas d'or dans les poubelles. Et je crois qu'il me disait qu'il faudrait qu'il n'y ait plus non plus dans les poubelles de métaux qui risquent de devenir rares. Recyclage de tous ces métaux. Non, vous voyez, par exemple, vous dites, vous n'aurez plus de pétrole, donc le tiers-monde fera entendre sa voix. Ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'apparemment, il y a des pays qui ont du pétrole, qui vont s'enrichir prodigieusement, qui seront beaucoup plus riches que nous. Est-ce que vous croyez que ces pays vont nous imposer, en somme, impôt pour les pauvres, eux qui, riches, ne donnent pas tellement aux pauvres, il faut bien le dire. Ce que je veux dire, sans répartir eux-mêmes leur richesse. Eux-mêmes ne répartissent pas, ils ne vont pas nous imposer la répartition. Qu'est-ce que vous savez des futures structures sociales des États pétroliers ? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe au Dhofar ? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans le Yémen du Sud ? Moi, je ne sais pas. Mais enfin, annoncer une stabilité politique de ces pays-là, c'est de s'aventurer. François Lejeune. Il y a quelque chose qui m'inquiète peut-être encore plus dans notre conversation. Vous avez parlé à deux reprises, et j'aimerais qu'on l'évoque en quelques secondes, d'une possibilité de guerre atomique. Mais alors là, je ne sais pas ce que vous pouvez faire contre. Parce que j'imagine que avant la fin du siècle, tous les pays, sans exception, vont avoir la bombe atomique. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir le bouton atomique sous les doigts de M. Nixon, dont on nous dit que... De tous les pays. D'Israël, de la Palestine et du reste. Si c'était sous les doigts d'un certain nombre d'autres chefs d'État, que je ne veux pas citer, du tiers-monde, vous seriez peut-être plus inquiet que nous, puisque vous les connaissez. Sûrement, et je l'ai écrit dans mon livre, que je serais plus inquiet. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Quatre ans après Hiroshima et Nagasaki, la première bombe nucléaire soviétique a explosé en août 1949 au Kazakhstan. Et pendant 40 ans, c'est là que l'Union soviétique a poursuivi ses tests nucléaires. Il y en a eu plus de 500, avec les retombées que vous pouvez imaginer pour la région, l'équivalent de la contamination d'une bombe atomique tous les mois sur une zone aussi vaste que la Belgique. Et cette zone, eh bien, elle était habitée. Plusieurs milliers de personnes ont été exposées à des taux de radiation terribles. Les autorités soviétiques leur demandaient même de laisser leurs fenêtres ouvertes durant les essais et mesurer les effets sur les habitants. Qu'est-ce qui se passait exactement au sein de ce dispensaire ? On nous racontait que c'était un hôpital antituberculeux, mais c'était l'armée qui le gérait. Après chaque explosion, on conduisait les gens ici, on les gardait 10 jours et on les renvoyait chez eux. Même les nazis n'ont pas osé faire de tels essais sur leurs compatriotes. Nous, on l'a fait sur notre peuple. Je ne sais pas comment appeler ça. Et près de 30 ans plus tard, les habitants subissent toujours les conséquences. Cancer, fausse couche, malformation, infertilité. Les autorités kazakhstanaises ont reconnu officiellement que près d'un demi-million de personnes ont été affectées. Le taux de cancer dans la région est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Mais aujourd'hui, les taux de radiation sont retombés à un niveau acceptable dans cette zone de Semey, baptisée le polygone en raison de sa forme. La jeune République du Kazakhstan a même décidé de reprendre l'exploitation des terres riches en minerais. Nous partons donc dans les steppes de l'est du pays. Billet retour à Semey, c'est un reportage signé Sophie Guignon et Miyuki Drose Aramaki. Trente ans après les derniers tests nucléaires, le Kazakhstan n'oublie pas ses victimes. Le pays est à l'origine de la journée mondiale contre la prolifération atomique. Chaque 29 août, même sous la pluie, des milliers d'habitants se réunissent à Semey, la grande ville du nord-est du pays. Ils rendent hommage à leurs proches, malades ou disparus. Victime du nucléaire, Nourkian est un activiste respecté. Bonjour, comment ça va? Je te souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup. On va pas tarder à commencer. Tout est installé. Je suis prêt. Pour ce jeune blogueur de 28 ans, cette journée est la plus importante de l'année. J'aime être au contact des gens. Je n'ai pas peur de la foule. Au contraire, j'aime être au milieu des gens. La cérémonie se déroule au pied de ce monument, en forme d'explosion nucléaire baptisée « Plus fort que la mort ». Les victimes des tests ont même leur hymne officiel. Le maire, des officiels et comme chaque année un scientifique japonais de l'université d'Hiroshima font le déplacement. Nurkien est né l'année des derniers tests nucléaires. Mais il paie le prix fort de l'exposition aux radiations de ses parents et grands-parents. Pour lui, cette commémoration doit servir à envoyer un message de paix. Je suis né comme cela, à cause des conséquences des tests nucléaires. Je veux m'adresser à tous les chefs d'État du monde, spécialement aux dirigeants des pays qui disposent de l'arme atomique, comme la Chine ou la France et les autres. Je leur demande d'apprendre à vivre sans armes nucléaires. Pendant 40 ans, la région a vécu au rythme des essais nucléaires, à raison d'une bombe par mois, à chaque fois plus puissante qu'Hiroshima. Située à une centaine de kilomètres du site de lancement des tests, la ville de Semei dispose d'un hôpital réservé aux victimes du nucléaire. D'après les autorités, 700 000 personnes ont été exposées à des radiations nocives. Ici, le taux de cancer et de maladies cardiovasculaires est deux fois plus élevé que dans le reste du pays. Les institutions médicales conservent même des preuves des malformations mortelles. À l'origine de ces souffrances, la course à l'atome menée par l'URSS en pleine guerre froide. Escortés par un scientifique du Centre de recherche nucléaire kazakhstanais, nous pénétrons sur l'ancien site de test du polygone, avec pour seul horizon l'infinité des steppes. Je vous emmène là où la première bombe nucléaire a explosé le 29 août 1949. En tout, les scientifiques soviétiques conduiront 456 essais nucléaires sur un territoire grand comme une fois et demie l'Île-de-France. Mets bien ton masque sur ton visage pour protéger tes voies respiratoires. On va dans une zone très contaminée, on est obligé de mettre une combinaison de protection. À l'approche de l'épicentre de la première explosion soviétique, surnommée Premier éclair, des mesures de sécurité strictes s'imposent. Nous rejoignons une équipe de chercheurs qui quadrille la zone pour mesurer la radioactivité. Là-bas, c'est l'épicentre de l'explosion, le cratère, là. Les radiations gamma viennent de cette direction. Si je mets le compteur par là, le niveau de microsievert par heure affiche 1,30. Le microsievert, une unité permettant de mesurer les effets de la radioactivité sur le corps humain. Les ondes radioactives viennent de l'épicentre de l'explosion. Ici, le niveau monte à 2 microsieverts. Soit au moins 20 fois plus que les taux de radioactivité présents à l'état naturel. Sans protection, un être humain risque ici de développer un cancer en seulement quelques semaines. Le danger principal, toucher ou inhaler des particules radioactives. Imaginez, le moindre trou dans ce sac peut nous contaminer, mais aussi la voiture et le laboratoire. Ces prélèvements vont être acheminés jusqu'à la ville voisine de Kourtchatov. Elle porte le nom du père de la bombe atomique soviétique. Kourtchatov était la ville secrète du KGB. Jusqu'en 1991, elle n'existait sur aucune carte. Pendant plus de 40 ans, 20 000 scientifiques y ont conçu et testé le programme nucléaire de l'URSS. Aujourd'hui, la ville est en partie à l'abandon. Mais le Kazakhstan a profité des anciens laboratoires soviétiques pour les transformer en centre d'observation de la radioactivité. Les échantillons de terre du polygone sont analysés ici. Le temps est passé, mais la radioactivité, elle, est restée. Les radionucléides peuvent être actifs pendant un siècle. Quand la dernière explosion a-t-elle eu lieu? C'était en 1949. 70 ans plus tard, le sol est toujours contaminé et nous continuons à en subir les conséquences. Aloua Kabdirakova dirige 30 chercheurs dans ce laboratoire. Le poids est de 330 grammes. Et ici, c'est le volume? Oui, et là, je passe au prélèvement suivant. Mais au-delà de la protection des populations, les autorités s'intéressent à la radioactivité des sous-sols pour pouvoir en exploiter les richesses. Il y a de très nombreux gisements dans le polygone. Et des entreprises voudraient en extraire de l'or, du charbon et bien d'autres minerais. Bien sûr, ce serait dans l'intérêt du pays que ces mines soient de nouveau utilisables. Ces scientifiques devraient achever leur rapport en 2021. Ils espèrent alors rouvrir une grande partie du polygone à l'exploitation minière. Mais comme nous allons le constater sur le terrain, si les paysages sont à couper le souffle, la nature n'en reste pas moins toxique. Voici le lac atomique, un bassin artificiel de 500 mètres de diamètre, créé par une bombe nucléaire en 1965. Le cratère de l'une des premières explosions souterraines. Amir, le scientifique en charge de notre sécurité, nous y accompagne. Ici, la puissance de l'explosion était de 140 kilotonnes, c'est-à-dire 7 fois plus de puissance qu'Hiroshima ou Nagasaki. Pourtant, dans le polygone, aucun avertissement ne signale les zones à éviter. Au loin, au bord de l'eau, Amir a aperçu un campement. Notre guide descend avertir ses pêcheurs, totalement inconscient du danger. Bonjour. Je suis en charge du contrôle de la radioactivité. Savez-vous que vous êtes sur une zone radioactive dangereuse? Vous êtes au courant? Savez-vous que vous mettez votre santé en péril? Regardez, vous êtes en train de pêcher dans un lac radioactif. Mais tout le monde vient ici, c'est pour ça que nous venons aussi. Tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas de risque, même juste après l'explosion. On nous disait qu'il n'y avait aucun danger pour la santé. Ça devrait être suffisant pour nourrir ma famille pendant 2 semaines. Et ils sont vraiment délicieux. Délicieux, mais bien contaminés. D'après l'analyse d'un laboratoire français, ces eaux contiennent de fortes concentrations de particules radioactives. Et en plus, vous êtes avec un adolescent, vous devriez vraiment partir. Ok, on va y aller. Une ignorance des risques alarmantes pour des pêcheurs originaires de la région. Comme depuis 70 ans, les populations locales, mal informées, sont les principales victimes des radiations. Les premiers villages se situent à moins de 80 km du site d'essai nucléaire. Znamenka, ses 1300 habitants et ses pâturages à perte de vue. Ici, rares sont les familles qui n'ont pas perdu un proche. La ferme de Chariprhan et Nazipa ne fait pas exception. Voici ma fille qui est morte. Elle est partie à cause du polygone. Leur fille est décédée d'un cancer du sein, à 33 ans. Installée dans la région depuis 1962, Nazipa et ses enfants ont été des témoins directs des explosions atomiques. À chaque fois, les autorités nous demandaient de sortir de la maison. En 1971, je venais d'accoucher lorsqu'il y a eu une explosion. J'ai pris les enfants dans mes bras et nous sommes sortis. C'était l'hiver. On est resté assis sur un traîneau pendant plus d'une heure. Et là, j'ai vu l'explosion. Comme un nuage noir. J'ai vu sa forme de mes propres yeux. Même ces petits-enfants qui, eux, n'ont jamais connu les tests, souffrent de graves problèmes de santé. Je suis en colère. Mon cœur est blessé. Tout ça à cause du polygone des Soviétiques. Honnêtement, que dire de plus? Un mal impalpable qui n'a pas fini de hanter le patrimoine génétique de la population. Retour à Semey, la grande ville proche du polygone. La quatrième génération est en train de voir le jour. Impossible de savoir jusqu'à quand les radiations nocives vont affecter les enfants de la région. Comme Nulkian Bektasov, une vie à hauteur de chaise roulante. Accompagné en permanence d'un ami ou de sa mère pour le pousser. Une fois seulement, le gouvernement m'a donné une chaise roulante électrique. Mais elle était beaucoup trop grande pour moi et en mauvais état. La batterie s'arrêtait tout le temps. Diplômé d'une licence de littérature, Nulkian travaille comme traducteur du russe vers le kazakh. Bonjour. Il a trouvé un emploi aidé dans cette bibliothèque. En supplément de son salaire, le jeune handicapé touche 140 euros par mois. Une aide de l'État à laquelle il peut prétendre grâce à ce document. Un passeport d'irradié. C'est sa carte du polygone. Cette carte d'irradié prouve que nous sommes bien originaires de la région du site nucléaire. Malgré un quotidien difficile, Nulkian et sa mère n'expriment guère de rancune, mais plutôt de l'angoisse. De plus en plus de bébés naissent malades. Oui, beaucoup de ceux qui sont nés à Semaï ont des problèmes de santé ou sont handicapés à cause du polygone. Je suis inquiète. Bien sûr que nous avons peur. Nous préférons éviter d'y penser. Pour Nulkian et les siens, impossible de tourner la page. Pourtant, la majorité des 300 000 habitants de Semaï aimeraient regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, la ville est devenue une cité étudiante. Son université de médecine attire des jeunes venus de toutes les régions du Kazakhstan et même de l'étranger. Les élèves originaires de la région aimeraient en finir avec les clichés qui leur collent à la peau. Quand on rencontre quelqu'un, souvent il dit « Ah, t'es de Semaï ? Mais alors t'as une troisième jambe ou un troisième bras ?» Ou quelque chose du genre « Où est ton troisième œil ?» Mais tout ça n'est pas drôle. Ce que j'entends le plus, c'est « Mais est-ce que tu fais de la lumière dans le noir ?» L'opinion des gens doit changer, car heureusement, ça ne durera pas éternellement. La radioactivité diminue avec le temps. Tôt ou tard, nous n'aurons plus cette réputation d'être la ville du polygone et de la radioactivité. Nous aurons celle d'une ville moderne, tournée vers l'avenir. Ce jour-là, les premières années font leur rentrée à la faculté de médecine. Soyez les bienvenus à l'université de médecine de Semaï. De la part de tout le corps enseignant de notre université, je veux sincèrement vous remercier d'avoir choisi notre établissement. Tous ont l'ambition de devenir docteur et de panser les plaies encore béantes de la population de l'est du pays, exposée à l'irréparable pendant 40 ans. Et voilà donc pour ce reportage dans les plaines du Kazakhstan, un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour. Un jeune berlinois aux yeux de porcelaine, sans trop savoir pourquoi, pense à Lily Marlène. En rêvant d'autrefois, il a du vague à l'âme. Sur le Kurfürstendamm, il fredonne à mi-voix. Lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui était souris grise se promenait en de sans fin, elle était exquise. J'en boitais le pas, mon petit nez en l'air, sentait la lotion. Le chocolat ou le café vert en torréfaction. Vraiment, on ne s'en faisait pas pour aller aux commissions. Lorsque papa était à Paris en occupation, le jeune berlinois qui n'a pas raté le coche, sans trop savoir pourquoi, ah, des marques plein ses poches. Mais il songe parfois, en mâchant son chewing-gum, que s'il est un bel homme, c'est parce qu'autrefois, lorsque papa était à Paris en occupation, Il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman cata souris grise, aux pigeons distribuent du pain, elle était exquise. Entre les repas, on allait en tram prendre une collation. Chez tante Greta ou chez l'oncle Herman, voir ses collections. Vraiment, on ne s'en faisait pas, il n'y a pas l'autre expression. Lorsque papa était à Paris, en occupation. Le jeune Berlinois, qui ne veut pas d'esclandre, soudain baisse la voix, car on pourrait l'entendre. Et le montrait du doigt, comme un énergumène, unique phénomène, qui prétend qu'autrefois, lorsque papa était à Paris, en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui était souris grise, qui demandait s'il n'avait pas faim, elle était exquise. Ça ne s'oublie pas, mais il repense encore avec émotion, que si n'est-ce pas on bat les records de la production. C'est parce qu'autrefois, oh la belle génération, on ne manquait pas de sucre et de riz et de provisions. Lorsque papa était à Paris, en occupation. Cette émission, donc, les dossiers de l'écran consacrés à l'Antarctique avec Jacques-Yves Cousteau, Paul-Émile Victor, Haroun Taziev et Claude Lorius, le glaciologue, avec une alerte, sans doute la première à la télévision française, sur une menace de réchauffement à cause de la pollution industrielle et de la déforestation. Alerte de Haroun Taziev, vivement contestée par Jacques-Yves Cousteau, vous allez le voir, du baratin, dit-il, on commence à me casser les oreilles avec ces histoires de CO2. C'est signé du commandant Cousteau. Voici de larges extraits du débat des dossiers de l'écran en direct sur Antenne 2 le mardi 4 septembre 79 avec juste avant la présentation de la speakerine Dorothée. Bonsoir. Nous espérons tous que vous passerez une excellente soirée sur Antenne 2. Si vous désirez prendre connaissance des dernières nouvelles, eh bien votre dernier journal vous sera présenté vers 23h30 par Pierre Alain. En général, le mois de septembre est synonyme de fin de vacances, de reprise du travail. Alors ce soir sur Antenne 2, nous vous proposons de faire un très très beau voyage. Un voyage au bout du monde, avec un très joli film aussi. Et c'est Joseph Pasteur qui va vous présenter ce film, va vous en parler. Il va vous présenter les personnalités qui vont faire partie des débats, des dossiers de l'écran. Bonne soirée encore une fois. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avec Voyage au bout du monde, le très beau film du commandant Cousteau, nous vous proposons ce soir de reprendre normalement nos émissions en direct. C'est-à-dire que, comme nous le faisions jusqu'à la fin du mois de juillet, et pas depuis, vous allez pouvoir à nouveau appeler SVP et poser à nos invités toutes les questions que vous voudrez bien leur poser à propos du dossier qui nous réunit ce soir. Présenter est peut-être un mot inutile, s'agissant d'au moins trois d'entre eux. Je commence naturellement par le commandant Cousteau, que vous connaissez bien sûr. Je dirais simplement du commandant que depuis Le Monde du Silence, il a tourné 66 films, dont deux ont eu des Oscars à Hollywood. Paul-Émile Victor, qui a commencé sa carrière polaire en 1934, qui est le fondateur et le président des expéditions polaires françaises. Il est allé souvent au Groenland, souvent en Antarctique. Sa première expédition en Terre Adélie, c'est-à-dire en Antarctique, commence en 1948. Et depuis, eh bien, c'est devenu sa base permanente. Il y a mené 18 campagnes. Je ne vous présenterai pas non plus Haroun Taziev, volcanologue, directeur de recherche au CNRS, et qui lui aussi a effectué 4 expéditions en Antarctique, parce que voyez-vous, bien que ce soit un immense glacier, il y a des volcans en Antarctique, et cela peut poser, leur existence en tout cas, peut poser un certain nombre de problèmes, qu'il était bon d'étudier ce qu'a fait Haroun Taziev. Jean-Paul Bloch, directeur scientifique des terres australes et antarctiques françaises au ministère des Dom-Tom, est responsable de la coordination des activités scientifiques, lui aussi a fait, sur plusieurs années, 5 ou 6 séjours en Antarctique. Et enfin, M. Claude Lorius, directeur de recherche au CNRS, a mené là-bas une 12 d'expéditions. Il y a passé 4 années de sa vie. C'est un spécialiste de l'étude de la glace. Et Claude Lorius a vécu 2 fois 1 an, seul, avec 2 compagnons, perdus sur le plateau du continent antarctique. Il nous fera part tout à l'heure de cette expérience tout à fait exceptionnelle. Et puis, commandant, puisque nous avons tous en mémoire le tragique accident qui a coûté la vie à votre fils Philippe, nous voulons ce soir lui dédier cette émission, ainsi qu'à votre compagnon Michel Laval, et à tous ceux qui ont perdu leur vie sur le continent antarctique et ailleurs, au service de la recherche scientifique. Guy Darbois, nous écoutons vos premières questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez, Joseph ? Oui, mais parfaitement. Quelle influence ce continent lointain et désertique, sur lequel nous ne mettrons peut-être jamais les pieds, quelle influence l'Antarctique a-t-il et aura-t-il sur notre vie ? En dehors des nombreuses questions que le film et la présence de nos invités suscitent et sur lesquelles je reviendrai, c'est la préoccupation générale qui se dégage des fiches que nous avons reçues avec Anne-Marie Lamoury. À lire ces fiches, on s'aperçoit que l'Antarctique représente à la fois un espoir et une menace. L'espoir, c'est la possibilité de mieux connaître notre planète, c'est aussi la perspective d'exploiter des richesses fabuleuses. Et la menace, c'est un réchauffement qui ferait fondre cette glace et déferler des raz-de-marée qui engloutiraient nos villes. On remarque aussi un regret que ce continent vierge soit lui aussi, par la curiosité et la rapacité des hommes, pollué. Et comme dit l'un de nos correspondants, est-ce que l'Antarctique n'est pas en train de devenir la poubelle des pays civilisés ? Il y a aussi des légendes, comme celle qui court le long des fiches et qui fait croire à certains téléspectateurs qu'il y aurait à chaque pôle un grand trou qui irait jusqu'au centre de la Terre. Mais c'est vrai, il y a des dizaines de personnes qui en sont convaincues. Bon, alors Guy, est-ce que vous voulez qu'on réponde à la question d'ordre général que vous avez posé au début de votre intervention, quelle est l'influence de l'Antarctique sur notre vie, autrement dit. Attendez, moi je crois que cette question est tellement importante qu'il faudrait que chacun d'entre nous y réponde, parce que c'est la question cruciale. Quel rôle peut avoir l'Antarctique dans notre vie ? Espoir, menace, le réchauffement, les problèmes politiques, la pollution. Alors écoutez, si vous en êtes d'accord, moi je propose que chacun de vous réponde en 2 minutes, chacun, pas plus, Paul-Émile Victor, à l'ensemble de cette question, à vous l'Antarctique, qu'est-ce que c'est, portrait ? Non, je ne vais pas faire le portrait de l'Antarctique, ça ne répondrait pas à la question. Non, mais pour répondre à la question, le portrait viendra peut-être plus tard. D'abord, et d'une façon très générale, une masse de glace aussi énorme, dont la superficie est de 13 à 14 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe réunies, ne peut pas ne pas avoir une influence énorme sur l'atmosphère, par conséquent, sur le temps. Mais toutes les recherches scientifiques qui y sont faites, elles sont nombreuses, sur la glace. Claude Lorius en parlera, c'est un spécialiste. Ou la physique de la haute atmosphère ont toutes des applications pratiques, utiles et immédiatement sensibles. Je vais donner 2 exemples rapides. Vous m'avez donné 2 minutes, ça ne durera pas 2 minutes. L'étude de la couche ionisée de l'atmosphère. La base du Mont d'Urville, qui est la base française là-bas, elle est située à peu près sur le pôle sud magnétique, ce qui donne des anomalies, et l'étude de ces anomalies permet de mieux comprendre les phénomènes fondamentaux. Or, la couche ionisée de l'atmosphère, c'est cette couche de l'atmosphère sur laquelle les ondes radio viennent se réfléchir. Sans ionosphère, il n'y aurait pas de propagation radio. Elle irait s'enfuir dans l'espace. Or, cette couche varie, change, et par conséquent, l'émission ou la réception des ondes radio varie et change avec ce miroir. Et l'étude de cette couche ionisée permet d'améliorer les transmissions radio. Voilà un exemple que j'ai essayé de faire le plus précis possible. Par conséquent, pas précis du tout dans aussi peu de temps que ça. La glaciologie, Claude Lorius vous en parlera mieux que moi, mais c'est un deuxième exemple. Les forages et l'étude des glaces permettent de faire l'historique des changements climatiques passés et par conséquent de projeter dans l'avenir, et encore parce que je finis mes 2 minutes, Par exemple, il a été possible aux glaciologues de prévoir, il y a plus de 10 ans, le refroidissement général du globe actuellement et le retour vers une normale de ces climats, c'est-à-dire vers une irrégularité du climat, les 50 années passées que nous avons eues étant anormales au point de vue climatique, c'est-à-dire beaucoup trop réguliers. Moi, je me tais, on pourrait parler comme ça encore pendant 2 heures. On va demander à Claude Lorius de compléter ce que vous venez de dire, à savoir l'influence de l'Antarctique sur notre vie par les connaissances et les observations que vous avez pu faire au niveau de la glaciologie. Je rappelle que vous avez passé 4 ans de votre vie sur le continent. Par petits bouts. Par petits bouts, deux fois un an, vous avez été isolé avec deux compagnons et vous allez peut-être nous dire dans quelles circonstances et comment vous avez traversé cette année, là, ces 2 années. Oui. Enfin, si vous voulez, je pourrais d'abord peut-être commenter un peu derrière ce qu'a dit Paul-Émile Victor. Je ne serais pas aussi catégorique quant au fait qu'on puisse dire que dans les prochaines décades, il va faire plus chaud ou moins froid. Il est absolument certain que si l'on veut un jour comprendre ce qui se passe au point de vue du climat, il faut savoir ce qu'il s'est passé dans les périodes de temps qui s'en sont écoulées avant. Et ces témoins de l'histoire du climat, il n'y en a pas tellement. Et l'Antarctique est vraiment un très très bon témoin, et le climat de l'Antarctique, c'est celui de notre Terre. On sait que ce que l'on trouve dans l'Antarctique, ça reflète ce qui se passe sur le globe entier. L'autre problème auquel on s'attaque dans nos recherches, on parle souvent de pollution, et c'est vrai que notre Terre est polluée et contaminée, mais tout de même, je crois qu'on s'attache à faire la part de ce qui est vraiment la pollution et de ce qui est dû parfois, finalement, à des causes naturelles. Et peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je peux vous dire que dans l'Antarctique, on trouve les traces des explosions nucléaires que l'on a produites dans l'atmosphère. On retrace très bien cette évolution. Par contre, pour d'autres choses, alors qu'on pensait une pollution du globe, eh bien, il n'en est rien. C'est ici que nous abordons les questions posées par les téléspectateurs. Il y en a une qui concerne la menace de réchauffement. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent des tas de gens, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé... Le niveau de la mer va monter. Oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact. C'est une catastrophe. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Expliquez-nous comment. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes... Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de cette gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2, ben, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui détruit la forêt. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Ouais. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique. Non, mais on peut planter n'importe où. Mais il n'y a pas besoin que ce soit dans l'Antarctique. Bien sûr. On peut au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part. Exactement. Et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Mais alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau de la, au non. niveau du pôle. Non, il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux, et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre, et Marseille, et Nice, et Londres. Alors, Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations, là. Non, non, non. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue un peu catastrophique. Non. D'abord, l'Antarctique, on sait qu'il y a de la glace dessus depuis une dizaine de millions d'années, et on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis 5 millions d'années. Et même un réchauffement, si cela est le cas, de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique. On peut discuter sur cette possibilité de changement de 2 à 3 degrés centigrades lié au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c'est très surestimé. Mais en ce qui concerne la glace, je crois qu'il faut quand même bannir cette idée que les calottes de glace sont forcément instables et instables à de très courtes échelles de temps. Non. C'est-à-dire qu'on connaît des changements importants, mais il s'agit du passage d'une glaciation à un climat chaud tel que nous le connaissons. Là, on sait que dans la nature, il s'est produit effectivement des changements et que le niveau des océans a changé de 100 mètres. Mais je ne crois pas, quant à moi, en particulier sur cette affaire périodes, CO2, sur des périodes de dizaines de milliers d'années. Sur des millions d'années. Attention, je voudrais tout de même dire qu'il n'y avait pas la pollution industrielle. Il y a 17 000 ans, la mer était à moins 170 mètres. C'est hier. Et il n'y avait pas d'industrie. C'est l'industrie qui vient jeter là-dedans le trouble sur les grands rythmes naturels auxquels on assiste depuis des millions d'années. Sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas confondre l'Arctique et l'Antarctique. Ce qui a fondu il y a 15 000 ans, ce sont les calottes qui recouvraient les continents de l'hémisphère nord. Il y avait à cette époque-là beaucoup plus de glace dans l'hémisphère nord qu'il y en a actuellement dans l'Antarctique. Mais l'Antarctique n'a pas bougé. C'est bien de l'Antarctique dont nous parlons ce soir. L'Antarctique est, je pense, relativement stable. Oui. Alors, je voudrais répondez à la question de Haroun Taziev. Est-ce que depuis la mise en place de la civilisation industrielle, entre guillemets, le risque n'est pas réel? C'est ça la question. C'est ça la question, oui. Mais en plus, le risque concerne aussi bien l'hémisphère nord. Le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Mais nous parlons de l'Antarctique. Alors, l'Antarctique, le jour où on fera des mines de charbon et où on fera des forages de pétroliers avec les mêmes succès qu'au Mexique en Antarctique, on verra ce qu'on verra. Oui, parce que le plus grand danger, il n'y a pas de doute aujourd'hui, c'est les forages offshore. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus grand au point de vue danger d'une façon générale. Mais on n'en est pas encore là dans l'Antarctique. Imaginez qu'en 1991, l'état des ressources minérales normales, si j'ose dire, de la planète soit tel, notamment le pétrole et l'eau douce, que une ou des nations aient l'idée de se dire, mais là, dans l'Antarctique, il y a des richesses, il y a du pétrole, il y a de l'eau douce, évidemment, il y a autre chose. Et là pourrait commencer l'exploitation industrielle d'une partie de... Alors, c'est là qu'est le danger, oui ou non ? Vous posez une question effectivement très grave, et nous en débattons dans ces réunions à la fois techniques et politiques, mais pour une fois, souvent, dans ces réunions, qui sont dites des réunions consultatives du traité, les scientifiques et les techniciens donnent plutôt l'impulsion aux diplomates que l'inverse. Et c'est peut-être un des rares endroits où des scientifiques sont toujours présentés dans les délégations nationales. Ouais. Bon, c'est effectivement un très grave danger, ce danger de la mise en valeur économique de l'Antarctique. Et ce qu'on doit espérer, et ce pourquoi actuellement les 12 nations qui travaillent dans l'Antarctique, les 13, pardon, qui travaillent dans le cadre du traité, s'efforcent de mettre sur pied, c'est effectivement un système qui continuerait à vouer l'Antarctique à la paix, qui continuerait à vouer l'Antarctique à la science, en priorité, et qui ferait de l'Antarctique, tout ou partie, parce qu'il ne faut pas rêver trop, un sanctuaire, une sorte de immense réserve internationale. Malheureusement, on ne peut pas trop rêver. Mais qu'est-ce qui peut empêcher telle ou telle nation de pratiquer un forage de pétrole dans sa on zone? On ne peut pas trop rêver. On peut simplement s'efforcer de faire comprendre aux autres nations ou à nos gouvernants que les richesses de l'Antarctique ne méritent peut-être pas toutes d'être exploitées en face de l'intérêt que représente l'Antarctique pour l'humanité. Une fois de plus, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me paraît être le plus grand danger au point de vue pollution, ce sont les forages offshore. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec Pemex, l'histoire mexicaine. Et le jour, et comme il y en a partout, et le jour on ira foutre son nez et faire des trous dans la banquise antarctique pour aller chercher du pétrole à 1000 ou 2000 mètres, et qu'il se passe à peu près la même chose qui se passe actuellement au Mexique, mais ce sera une catastrophe mondiale. Et c'est beaucoup plus dangereux, je dirais peut-être même que le nucléaire. Aujourd'hui, il me semble que ceux qui veulent défendre la nature, l'environnement et défendre l'homme, ils devraient commencer par faire autant de foin en ce qui concerne les forages offshore, parce que c'est terriblement dangereux. Je crois que personne d'entre vous ne me le contredira. Parmi les richesses de l'Antarctique, il y a l'eau douce, qui en petite quantité... Oui, Paul-Émile Victor sourit. Et on vous demande justement, Paul-Émile Victor, si vous avez réellement, vraiment, l'intention de remorquer des icebergs jusqu'en Arabie Saoudite. Bon, je réponds. Je n'ai pas, moi, l'intention... On peut demander la diapo, peut-être ? Oui, si tu veux, on peut demander la diapo. Non, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ? On avait une diapositive, vous avez une diapositive que Guy Labouras... Qui illustre un peu cette affaire des stocks d'eau. Attendez, je vais vous dire, dès qu'elle apparaîtra à l'écran, la voici, voilà. Alors, Paul-Émile, vous la voyez, là ? Oui, mais je ne peux pas la commenter, je ne la connais pas, celle-là. Bon, monsieur... Fait n'importe. N'a pas de télé. À la base, on doit dire ceci, me semble-t-il, que 70% de toute l'eau douce du monde est sous forme de glace. Que sur ces 70%, 90% sont dans l'Antarctique. Je parle de l'eau douce. Oui. 8 à 9% le Groenland, un petit pourcent tous les glaciers de montagne du monde. Les plus grandes réserves d'eau douce du monde se trouvent donc soit à la calotte glaciaire du Groenland, soit à l'Antarctique. La glace de l'Antarctique représente environ 30 millions de kilomètres cubes de glace, c'est-à-dire une quantité d'eau énorme. Mais les fossiles. De laquelle, tous les ans, s'écoule sous forme d'iceberg pour ensuite disparaître 3000 kilomètres cubes de glace. C'est-à-dire l'équivalent de 2600 litres d'eau par jour pour chacun des 4 milliards d'habitants du monde. Ce n'est pas la quantité de glace qui est dans l'Antarctique qui représente ça, mais seulement la quantité d'icebergs qui se créent chaque année et qui partent et qui fondent au bénéfice de personne. Alors, l'idée de remorquer un iceberg n'est pas nouvelle. Le premier iceberg qui a été remorqué, c'est à la fin du 19e siècle, le long des côtes du Chili déjà, mais c'était un tout petit iceberg. Cette idée a fait son chemin, elle est peut-être farfelue, on n'en sait rien. Ce qu'il y a de certain, c'est que avec un iceberg comme celui qui a été pendant longtemps et qui vit depuis une douzaine d'années accroché dans la pointe nord de la péninsule antarctique et qui ne serait pas remorquable, un iceberg comme celui-là serait suffisant pour fournir de l'eau douce à une ville comme Lyon ou comme Marseille pendant plus de 1000 ans. On ne se représente pas les quantités que ça prend. Alors, pour revenir à l'histoire de l'iceberg, il y a fort longtemps maintenant que je ne m'en occupe plus directement, mais il y a des groupes de scientifiques, une sorte de commission scientifique internationale qui continue et qui étudie les icebergs. Il y a un certain nombre d'expéditions sud-africaines, pour ne citer que celle-là, américaine, norvégienne et quelques autres, qui participent à cette recherche sur les icebergs, et il y a un groupe qui étudie les problèmes technologiques nécessaires au remorquage et à la protection de cet iceberg. La conclusion. Un premier essai se fera peut-être d'ici 4 ou 5 ans vers l'Australie occidentale, parce qu'ils ont l'air d'intéresser de ça. Ça se fera peut-être, ça ne se fera peut-être pas. Il est beaucoup trop tôt de dire si ça peut se faire. Mais a priori, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire. Et je rappellerai, et je conclue là-dessus, ce que M. Arago a dit au siècle dernier au propos du chemin de fer, les hommes ne survivront pas à l'accélération d'un train? Est-ce que M. Thiers a dit à propos des tunnels, au sortir des tunnels, on ne trouvera plus que des cadavres enfumés? Eh bien, aujourd'hui, dire que remorquer un iceberg, c'est de l'utopie et de la folie, c'est aussi faux que de dire remorquer un iceberg, c'est parfaitement possible et ça se fera dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Eh bien, on verra bien. Guy Darbois, voulez-vous reprendre vos questions? Non. Ah, moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus, parce que c'est grave. Hein. C'est très grave. Parce que l'histoire de savoir si on peut remorquer les icebergs, bien sûr, aujourd'hui, tout est possible. Hein. En mettant la technologie en œuvre, on peut faire n'importe quoi. On peut remorquer un iceberg au sommet du Mont Blanc, si vous voulez. Bon. Mais là n'est pas la question. Quand on dit que ces icebergs qui se détachent de l'Antarctique ne servent à rien, alors là, je suis pas d'accord. Ils ont un rôle dans la température de l'eau et dans, ils ont un rôle écologique considérable sur place. Mais bien entendu. Hein? Par conséquent, les enlever de là, ça va modifier le milieu et on ne sait pas trop ce qu'on fait. Attends, on commence à tenter. Combien laisse-moi y en finir. A-t-il Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Bon, ça, première chose, on risque de modifier le milieu, de même qu'on hésite à empêcher la formation des cyclones, malgré les ravages qu'ils font sur leur passage, parce qu'on sait qu'ils transportent des quantités d'énergie considérables au-dessus, au nord des tropiques. Hein. Bon, par conséquent, doucement les basses, on ne sait pas ce qu'on fait, ne jouons pas à l'apprenti sorcier. Mais en plus, ce qui m'exaspère, moi, c'est la crise de l'eau. Parce que la crise de l'eau vient d'une mauvaise gestion de l'eau qu'on a. Hein? Nous avons, ça je suis sûr que tout tu es tout à fait d'accord. On commence par salir les fleuves et ensuite on dit on ne peut pas se servir de cette eau. Alors évidemment on va en chercher ailleurs, c'est grotesque. Deuxièmement, l'utilisation, la consommation d'eau au maximum, c'est pas les gens pour prendre un bain ou pour boire, c'est l'irrigation. Alors l'irrigation à l'heure actuelle se fait en dépit du bon sens, en aspergeant n'importe quoi, n'importe comment, alors qu'aujourd'hui on peut très bien faire de l'irrigation goutte à goutte par des tuyaux enterrés et avec des résultats bien meilleurs pour une consommation d'eau 10 fois moins. Par conséquent, avant d'aller chercher les icebergs en Antarctique, il faudrait peut-être commencer à mettre de l'ordre chez nous et à savoir utiliser l'eau et la gérer convenablement. D'accord. Guy Darbois, nous écoutons la suite de vos questions. Oui, ce qui étonne un peu les téléspectateurs, c'est qu'on puisse déterminer la météorologie en étudiant les couches de glace. Comment cela se fait-il? Je souhaiterais, si vous le voulez, demander deux diapositives. La première est une coupe qui représente la calotte de l'Antarctique. Et si vous la voyez, vous me... Je vais essayer de vous la montrer. Voici. Voilà. Alors, si vous voulez, voilà une coupe de la calotte glaciaire de l'Antarctique. D'abord, il faut regarder les échelles. Les distances horizontales, c'est 2000 km. L'échelle verticale, c'est une épaisseur moyenne de glace de 2 km sur l'ensemble de l'Antarctique. Alors, comment peut-on retracer, en particulier, le climat passé? Eh bien, vous voyez la vapeur d'eau qui nous vient des océans et qui contient aussi certaines poussières, en particulier celles qui proviennent de la pollution, se déposent sur l'Antarctique. Et les petits flocons que vous voyez s'enfonce et en même temps s'écoule vers la mer. Alors il faut savoir qu'on estime qu'un flocon qui tombe dans les régions centrales de l'Antarctique met à peu près 500 000 ans pour atteindre la côte. Ça veut dire que si on fore à travers la calotte antarctique dans les endroits les plus épais, on peut avoir des échantillons de la neige qui s'est déposée au cours des, par exemple, 500 000 dernières années. Alors, ce que l'on fait, j'aimerais là avoir une autre diapositive, s'il vous plaît, c'est celle qui représente une couche de neige. Si vous voulez, alors, le principe, c'est de faire des trous, de ramener de la glace et d'analyser cette glace. Et en particulier, voilà un exemple, il s'agit d'une couche de neige déposée au pôle sud, il tombe à peu près une quinzaine de centimètres de neige par an au pôle sud. Eh bien, lorsque nous avons analysé cette neige, nous avons vu que c'était la première année où les retombées radioactives liées aux explosions nucléaires étaient apparues dans l'Antarctique. C'était le premier signe de la contamination de l'Antarctique. Et puis, lorsqu'on va beaucoup plus profond, on peut remonter plus avant dans le temps et puis en particulier retracer la température qu'il a fait au moment où la neige s'est déposée. Et je crois que vous m'aviez dit qu'il était possible qu'on monte une illustration sur la... à partir de la caméra. Absolument, je ne sais pas si c'est possible. Si vous voulez bien, alors, si... prendre votre document. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Je vais vous le dire. Vous allez le tourner vers la caméra qui est à votre droite, là, et je pense que vous devez le voir sur le récepteur. Ah oui, je le vois. D'accord. Voilà. Eh bien, je ne voudrais pas être trop rébarbatif, mais si vous voulez, ça représente l'histoire du climat telle qu'on l'a reconstituée à partir d'un forage de 1000 mètres de profondeur à peu près qu'on a fait il y a un petit peu plus d'un an. La glace qui s'est déposée à 30 000 ans d'âge. Et puis, lorsqu'on va vers la surface, on a la neige qui se dépose actuellement. Alors, quand on va vers la gauche, il fait plus froid. Quand on va vers la droite, il fait plus chaud. Eh bien, vous voyez que notre Terre est sortie du climat glaciaire il y a à peu près une quinzaine de milliers d'années. Et puis, de 15 000 à 10 000 ans, un réchauffement important, peut-être de l'ordre de 10 degrés centigrades dans l'Antarctique, et nous sommes tombés dans une période qui a un climat à peu près comparable à celui que nous connaissons actuellement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'un tel réchauffement, effectivement, ça représente, c'est lié à la fusion de quantités de glace importantes, mais dans l'hémisphère nord, et ça représente une variation du niveau des océans de 100 mètres. Alors, 170 mètres. 170. Oui, enfin, on peut peut-être un peu... Si. C'est prouvé. Enfin, moi, je suis souvent pas tout à fait aussi affirmatif, mais peu importe. Et ça colle, hein, comme date. Les dates collent très bien. Oui, 15 000 ans, donc il y a 17 000 ans. Je crois, si vous voulez, que le problème du climat est un problème, disons, global, qui intéresse l'ensemble de l'humanité. Et c'est peut-être un jour, à partir de l'analyse de ce genre de choses, à partir de la modélisation de ces phénomènes, qu'on arrivera à essayer de voir ce qui va se passer. Parce qu'il faut dire que le climat dans lequel on est, si on regarde les dernières centaines de milliers d'années, vraiment nous sommes dans une période anormalement chaude. D'accord. Et la logique voudrait que l'on aille vers un climat plus froid. Et cette image que nous donne le climat à partir de l'étude de la neige de l'Antarctique, bien c'est celle de l'image du climat de notre Terre. L'Antarctique témoin des évolutions du climat et des changements en cours avec, dans les dossiers de l'écran, avec le glaciologue Claude Dorlus, qui est à ce moment-là très prudent. Sur ce qui est en train de se passer, et une alerte beaucoup plus nette et d'Arun Taziev sur le danger du réchauffement. Il faut signaler que Claude Dorlus, par la suite, a fait des travaux tout à fait déterminants qui montrent l'effet des activités humaines sur le réchauffement climatique. C'est l'homme de la relation entre le gaz carbonique et la température, Dorlus. C'est vraiment lui qui a montré, vous avez la carotte, là, et les différents âges, et quand vous examinez, vous voyez ce qu'était le taux, à la fois la température et le taux de gaz carbonique. Et il a montré la relation, montre-la. À ce moment-là, il n'a pas la preuve, où les travaux sont encore en cours, si, Marc Dufumier. Alors, je pense qu'en termes scientifiques, il va de soi que souvent, on modélise avant de vérifier que statistiquement, c'est avéré. Donc l'effet de serre, que la vapeur d'eau ou un nuage, quand il y a beaucoup de nuages la nuit, il fait plus doux le matin, c'est connu, c'est l'effet de serre. Le gaz carbonique, pareil, le protoxyde d'azote, bien pire, le méthane, ce sont des gaz à effet de serre qui vont rester et qui restent plus longtemps dans l'atmosphère. Donc le phénomène effet de serre, sa démonstration que de maintenir des gaz à effet de serre autour de la planète, ça va contribuer au réchauffement climatique, c'est une démonstration qui intervient avant qu'on puisse dire c'est statistiquement avéré. Le boson de Higgs, le trou noir, tout ça, les gens l'ont modélisé, l'ont démontré avant de dire on l'a vu. Et je reviens sur l'agriculture parce que c'est important. Parce que sinon, on retrouve des discours un peu à l'emporte-pièce, excusez-moi de parler comme ça. Le glyphosate cancérigène probable. Moi, je m'interdis de vous dire glyphosate cancérigène avéré, dans le sens où, comme perturbateur endocrinien, le métabolite du glyphosate, on dit que c'est cancérigène, c'est-à-dire que le cancer du sein, le cancer de la prostate, c'est neurodégénératif, Parkinson, Alzheimer, va intervenir plus précocement pour la jeune génération qui a été exposée à ce produit-là, à ces âges-là, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, on leur prédit une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. C'est pas statistiquement avéré, c'est une prédiction, c'est dans 100 ans qu'on pourra éventuellement, on connaît même pas encore la moyenne statistique. Néanmoins, on dit donc glyphosate, pas avéré, mais probable. Et il y a des gens, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut effectivement quand même neutraliser un peu ces lobbies qui essayent de nous dire « Ah, la science, faut attendre, etc. » et bâtir de la confusion. Non, non, c'est modélisé, c'est prouvé, c'est démontré, c'est pas encore statistiquement avéré. Donc, principe de précaution. Et le principe de précaution, bah oui, René Dumont était comme un des premiers écolos à plaider pour le principe de précaution. Et le principe de précaution, ça peut être un principe d'action, c'est pas un principe d'inaction. Des solutions alternatives, on peut en trouver. La science peut aider à en trouver. Mais il n'y a pas de solution alternative sans prise de risque et le principe de précaution mal appliqué enchaîne, empêche la prise de risque. Et donc il y a un principe de prudence qui doit être absolument respecté, un principe de précaution qui dit « si vous ne m'avez pas démontré qu'il n'y aura aucun risque à faire ça, vous ne devez pas le faire », ça non, c'est la fin du progrès, il faut être prudent, il faut être responsable, mais il faut prendre des risques parce que la plupart des grandes découvertes que nous avons faites, elles résultent de prises de risques que nous n'accepterions même plus maintenant. Alors, vous comprenez ? Il y a des solutions qui sont avec donc, des moindres risques, on peut quand même les mettre en avant. Un plan protéinique en France, ce ne serait pas idiot. Pourquoi ? Vous dites que vous avez publié ça il y a 30 ans, moi aussi j'avais publié ça il y a 30 ans. Il a fallu que Bolsonaro injurie Brigitte pour que j'entende le président dire « on ne va pas signer les... » ratifier les accords du Mercosur. Mais pourquoi faut-il attendre des événements comme ça, alors que ça fait 30 ans qu'on sait déjà qu'il ne faut pas faire ça ? Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu et de nous avoir ramené à l'actualité et à la situation d'aujourd'hui à partir de ces documents du passé. C'était précieux de vous avoir tous les deux. Merci François de Closet et merci Marc Dufumier. Je vous remercie aussi Agnès Chauveau et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les archives de l'INA. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. S'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité. cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non. Dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité. Il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Laura Felpin avec nous et à vos côtés, Guillaume Meurice, c'est parti dans les rues, mais où mais ça? Mais oui, mais partout en France, en ce moment, c'est l'anniversaire du Front National. Ah. 50 ah oui, ans. Bon anniversaire, le Front National! Joyeuse. Allez, un peu d'enthousiasme là. Hein. Bon, désormais, on appelle ça d'ailleurs le Rassemblement National. Hein. C'est vrai qu'en France, on aime bien juste modifier le nom pour faire croire qu'on a changé. C'est encore nous. Bref. C'est les 50 ans d'un parti qu'on aime. Et 50 ans, c'est vrai que c'est l'âge de la maturité. Clara, vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Et pour fêter les 50 ans du FN, j'étais ce week-end dans le Cher, figurez-vous. C'est un des départements qui est le plus voté Marine Le Pen à la présidentielle. J'étais même plus précisément à Saint-Amand-Montrond. C'est une charmante bourgade du Berry qui a eu la chance d'avoir comme maire Maurice Papon. Eh oui, Maurice Lamalisse, comme on l'appelle dans les couloirs de CNews. Alors, avant, c'est vrai que les raisons du vote Jean-Marie Le Pen, c'était quand même, on peut le dire, des raisons un peu racistes. Aujourd'hui, rien à voir, hein, le vote Marine Le Pen se fait davantage pour des raisons, on peut dire, économiques. Donc, je suis allé voir les habitants. C'est qu'elle dit pas mal de machin vrai, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit comme machin vrai? Bah, tout ce qu'elle dit, c'est vrai, parce qu'elle donne des sous à n'importe qui. À qui ils donnent des sous, là? Aux Arabes. Oui, alors, oui, enfin, des raisons économiques, de fléchage d'argent du côté de la Mecque. Voilà, bon, c'est ça? Ah, ben sûrement, oui, ils ont des logements, ils ont ceci, ils ont des sous, ils ont ça. Mais il y en a beaucoup d'Arabes ici, à Saint-Amand-Montrond? Oh, mais ça ne manque pas. Ouais? Ah, ben ça rentre à pleine pelle. À pleine pelle? Oui. Ah, il y a des pelletés d'Arabes à Saint-Amand-Montrond, hein, qu'on appelle la petite Marrakech du Berry. Enfin, en tout cas, il y en a dans les cauchemars de ce monsieur, mais d'ailleurs pas que dans les siens. Hein. Ben les gens, ils en ont marre, de toute façon. Ils en ont marre de quoi? Ben de tout ce qui se passe. Voilà. Voilà, la sécurité, puis voilà. Il y a des problèmes de sécurité ici? Oui. Oh, d'immigration. Oui, oui, comme partout, je crois. Qu'est-ce qu'il y a comme problème d'immigration ici? Oh, c'est pas de l'immigration vraiment, mais il y en a trop. Bah, c'est pas de l'immigration vraiment, mais il y en a trop, tout ce qui est... voilà, il ouais, y en a, hein. Bon, il y avait qu'à regarder autour, hein. Alors, pas autour dans la rue, parce que, bon, bah, c'est vrai que si on regarde autour dans la rue à Saint-Amand-Montrond, il y a autant de diversité qu'à la rédac de France Inter, mais autour dans son salon. Nous, on aime bien regarder 90 minutes enquête, on aime bien regarder tout ça. Ouais. Et on s'aperçoit que quand il y a des choses comme ça, c'est toujours les mêmes, des blagues. Des étrangers, des Algériens, enfin, tous des étrangers, les gens, ils ont ras-le-bol. Est-ce que c'est pas le prisme déformant de la télévision qui vous fait penser non. ça Ah non, Non, ah non. Ah non. Non, bah, ça aurait pu. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, parce que c'est vrai que dans ces émissions, c'est rare qu'on suive les perquises du parquet financier à Neuilly ou les soirées de Damien Abad au GH Beach. Hein, c'est vrai, c'est souvent à Sarcelles. Donc, à certains moments, on a peur. C'est normal, ça a à peine 300 km quand même. Mais ceci dit, il y en a aussi dans le coin. Hein. Moi, dans mon boulot, il y en a un algérien. Ouais. Bon, il est très gentil, hein. Mais alors très gentil, mais dans ce cas-là, bon ben qu'est-ce qu'on fait? On prend une grande respiration, on se mouille un petit peu la nuque et on y va sur le grand toboggan, le toboggan de l'amalgame. Ils ont voulu l'indépendance, ils l'ont en Algérie, hein, donc. Mais ceux qui sont nés en France, ils sont français, non? Ben ils sont français, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais ils font comme nous dans notre pays, et ils prennent tout de notre pays, point final. Mais s'ils sont français, c'est leur pays aussi, non? Mais je dis pas qu'ils sont pas français, mais qu'ils font leur religion chez eux. Mais chez eux, c'est où alors? Non, mais ce que je veux dire. Oui, c'est parce que c'est pas clair. Non. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est technique. Le vote Le Pen, c'est un vote technique. Allez, continuons. S'ils sont musulmans. Oui. Quand ils sont dans leur maison, qu'ils font ce qu'ils veulent, leur truc le vendredi, leur sabbat, leur machin. On peut pas être musulman et français? Vous pouvez être musulman et français. Je dis pas le contraire. Mais on a l'impression, c'est pour ça. Non. Non, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi. Après, bon, chacun se fera une idée. C'est vrai que c'est pas super clair. Au moins, le père Le Pen, quand il parlait franchement. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Voilà, on savait à qui on avait affaire, quoi. Lui, c'est qu'il causait bien aussi, hein. Il causait bien, Jean-Marie Le Pen. Oh, oui. Quand il disait les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Oui. Est-ce qu'il avait raison de dire ça? Oh, c'est un détail de l'histoire, oui. Ouais. Ah oui. Ben voilà, c'est quand même mieux quand on se dit les choses. Franchement, reprends-toi un petit peu le nationalisme là. Hein. Arrête de cacher ton racisme derrière la défense des précaires tout en votant contre la hausse du SMIC. Non, franchement, l'extrême droite, comme tu le dis si bien, c'était mieux avant. Guillaume Meurice, merci. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves. De là dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? À chaque fois, vous pouvez vous lever, vous applaudir, sautiller sur vos chaises, mais à chaque fois que vous votez un amendement de crédit, c'est poche gauche, poche droite. C'est-à-dire, vous prenez à Pierre pour donner à Paul. Ça n'est pas une solution. Ça sert à rien de crier comme ça, monsieur le rapporteur. L'amendement que nous venons de voter à hauteur de 6,7 milliards d'euros est au fond la première mesure prise dans cette Assemblée qui est à la hauteur du défi climatique. Il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. L'an dernier, 2500 ont été rénovées. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 2000 ans. L'équivalent d'entre Jésus-Christ et aujourd'hui, pour simplement venir à bout des 5 millions de passoires thermiques. Donc évidemment, c'est pas en ajoutant 5% ou 10% au budget de MaPrimeRénov' qu'on va y arriver. Il faut galoper, il faut aller plus vite, il faut tripler à minima comme ça vient d'être fait. Qui promettait, nous supprimerons les passoires énergétiques des propriétaires les plus précaires en 10 ans. Dès 2022, nous visons d'en rénover la moitié. C'était votre candidat, devenu président de la République en 2017. Nous en sommes très très très loin. Au fond, ce que viennent de faire les bandes gauches aujourd'hui, ce soir, ce qu'ils viennent de proposer, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre la promesse de votre candidat. Et cette promesse-là, elle est gagnante, gagnante, gagnante. Elle est gagnante pour les factures des Français. Elle est gagnante pour la planète. Elle est gagnante pour l'emploi. Elle est gagnante pour l'indépendance de notre pays. Parce qu'évidemment, ça fait 5 ans que vous auriez dû le faire. S'il y a 5 ans vous l'aviez fait, on ne serait pas dépendant du gaz et du pétrole russe comme on l'est aujourd'hui. Et en nous disant, mais non, il faut remettre ça plus tard, qu'est-ce que vous faites? C'est un investissement ce dont on parle là. Ce n'est pas une dépense de fonctionnement, c'est un investissement. C'est un investissement à la fois face à la crise géopolitique et face à la crise climatique que vous refusez de mettre en œuvre aujourd'hui. Parce qu'on connaît la suite des débats. On sait comment, sur cet excellent amendement, sur cet amendement qui devrait être un amendement historique, qui fait que pour la première fois dans cette Assemblée, on prend au sérieux le défi climatique, on sait comment vous allez vous asseoir dessus. Come on. Maintenant, je vais vous lire en français le chant « La Marseillaise » interprété par une chorale soviétique qui avait traduit la Marseillaise à sa manière. Hein. Alors, voici les paroles en français. « Dénonçons l'ancien monde, enlevons sa poussière de nos pieds. Nous n'avons pas besoin des idoles d'or, nous détestons les palais du tsar. Nous irons parmi les frères souffrants, nous irons vers ceux qui ont faim. » Ensemble avec eux, nous envoyons nos fléaux aux portes de l'enfer. Nous les appellerons à lutter avec nous. Debout, debout travailleurs, debout contre les ennemis, frères affamés. En avant, le peuple crie vengeance. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Le riche, l'exploitant, l'avare, te prive de ton travail si durement, dans ta sueur, l'avare, déclare ta dernière miette de pain, déchire ta dernière miette de pain, la faim pour qu'il profite, la faim pour qu'en jouant en bourse, il vende conscience et honneur, et ainsi il t'humilie. Pour toi, le repos sera seulement dans la tombe. Toute sa vie, prêt à recouvrir les arriérés, le tsar vampire te tire les boyaux. Le tsar vampire boit le sang du peuple. Il a besoin de soldats pour les régiments. Donnez-lui vos fils. Il a besoin de fêtes et de palais. Donnez-lui votre sang. N'en est-il pas assez de la douleur incessante? Levez-vous, frères, partout à la fois, du Dniepr à la mer Blanche, de la région de la Volga, du Caucase et de l'extrême, contre les voleurs, les chiens, contre les riches et contre les magnifiques tsars vampires, sus, qu'ils périssent ces maudits scélérats, que luise l'aube d'une vie meilleure, et monte vers une aube sanglante le soleil de la vérité et de l'amour fraternel. Même si nous avons payé un prix terrible, notre sang pour le bonheur de la terre, et viendra le temps de la liberté. Le mensonge et le mal disparaîtront à jamais, et tous les peuples se fondront en un seul, sous le règne guilleré du travail sacré. Donc, c'était leur façon de traduire notre Marseillaise. Qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous? Sur l'Action Logement, je ne sais pas si vous avez vu. Si, j'ai vu. Il y a la communauté des organisations interprofessionnelles, CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, MEDEF, CPME, qui poussent un coup de gueule en disant c'est une décision inacceptable et un affront au paritarisme, c'est-à-dire qu'il est prévu dans le budget 2023, que vous avez vu, de ponctionner l'Action Logement de 300 millions d'euros. Bah, c'est gravissime. C'est gravissime parce que ce qu'on observe. En même temps, ce n'est pas une cagnotte qui dort? Non, c'est pas une cagnotte d'or, puisque c'est l'aide qui permet à des salariés à un moment donné. Hein. Bon, non, et d'autant plus que avant cette annonce de cette mesure, ce qu'on constatait, c'est que le logement était le parent pauvre de ce budget. Or, les problèmes de logement, moi, dans ma circonscription, je le vois en Seine-Saint-Denis, c'est le problème numéro un qui se pose aux gens. Ouais. Non seulement les logements sont trop chers, mais en général, ils sont même plus accessibles. Vous êtes obligés d'aller toujours plus loin pour vous loger. On a construit les 5 dernières années, un nombre de logements sociaux qui ont été inférieurs à tout ce qu'on a vécu pour la Ve République proportionnellement. Donc, on a un vrai problème. Et là, au moment où on a ce problème-là, ils annoncent en plus de cette mesure, il faudrait un grand plan d'urgence pour reconstruire des logements dans ce pays. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie du nombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanchette rebelle, statue de la douce immaculée conception. Je sentis la foi naître et au fond de mon être du Seigneur Jésus corrige la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Revue de presse. Alors d'abord des papiers tirés sur Internet, parce que c'est là qu'on trouve, qu'on a le plus de chances de trouver de l'information digne de ce nom. Alors je suis vraiment persuadé que la réincarnation existe, parce que certaines personnes n'ont pas pu devenir connes à ce point en une seule vie. Autre chose, autre papier du même genre. Je ne plierai pas, je ne manierai pas en silence, je ne me soumettrai pas, je ne me retournerai pas, je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Alors, qui a dit ça? Hein? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eh ben c'est Jean Jaurès, voilà. Ensuite, tiens, un truc marqué sur un mur, CRS, une passion, un métier. Eh oui, ça a été tagué sur un mur, je sais plus où, j'ai pris ça en photo. CRS, une passion, un métier, voilà, vous voyez les chômeurs, hein, si vous voulez, y a du travail, hein. Le monde... Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Qui a écrit ça? Eh bien, c'est André Gide, 1869-1951. Ah, oui, un mec qui était en avance sur leur temps, hein, quand même. Flash et communiqué de la CGT, niveau de vie. 13,2% des Français sont sous le seuil de pauvreté. Selon une enquête de l'INSEE sur les niveaux de vie, 13,2% de la population française métropolitaine, soit près de 7,9 millions de personnes, vivaient sous le seuil de pauvreté en 2006. Elles ont un niveau de vie inférieur à 880 euros par mois, et pour la moitié d'entre elles, à 720 euros par mois. C'était en 2008, hein. L'étude précise que les 10% les plus aisés ont un niveau de vie d'au moins 33 190 euros par an, et les 10% les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 9 720 euros annuels. Alors la modestie, dans le langage des journalistes. Oui, alors donc ce tract, il est du 20 juillet 2008. La modestie, dans le langage des journalistes, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire la pauvreté? La pauvreté volontaire, recherchée? Rationnel, normal, juste, ou tout le contraire. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Qui a écrit ça? Eh ben, c'est Machiavel. Eh oui. La richesse du Luxembourg est illégitime. Eva Joly, dans son livre Le loup dans la bergerie, la fraude fiscale nous coûte 85 milliards d'euros par an. Signé Jean-Luc Mélenchon. Pour soigner le code du travail, il faut une bonne ordonnance et une bonne saignée. Ce serait signé Molière. On écrit des petits farceurs. chômage, précarité, flexibilité, vie volée. Comme en 1789, rassembler, unir, lutter, égale liberté. Le bonheur est toujours une idée neuve, c'est injuste. Alors ça, c'est un tract 1789-1989 qui avait été distribué par la CGT le 1er mai 1989 à Remiremont, 10h, salle des fêtes, près de l'hôtel de ville. C'était le 1er mai 1989. Hein. N'allez pas au 1er mai 2023. Hein. Allons, sans blague. Hein. Allons. Le QI des Français en chute libre. Le QI moyen des Occidentaux régresse depuis 10 à 15 ans, selon le résultat de plusieurs études analysées par le magazine scientifique The Intelligence. Toute l'Europe du Nord est particulièrement concernée par le phénomène, et le QI moyen des Français aurait baissé de 3,8 points en seulement 10 ans, entre 1999 et 2009. Avec 98 de QI moyen, la France est le 9e rang, et au 9e rang, à égalité avec l'Espagne et les États-Unis. En tête, on trouve Hong Kong et Singapour avec un QI moyen de 108, suivi par la Corée du Sud, 106, le Japon et la Chine, 105, le premier pays occidental est l'Italie avec 102 points de moyenne. Cette baisse fait suite à une longue période d'amélioration du quotient intellectuel moyen de la population tout au long du XXe siècle, sous l'effet des progrès sociaux et en matière de santé. Voilà. Oh ben oui. On peut être fier, hein. Oh là là là. Oh ben oui. Opposée à la loi de travail, elle refuse d'être honorée par Valls. Au Radour-sur-Glane, lundi 30 mai 2016, Camille Senon est restée jusqu'à l'aube des années 80 une militante et dirigeante importante de la CGT et du PCF aux chèques postaux dans le 15e et à la Fédération CGT des PTT. Par solidarité avec le mouvement social contre la loi de travail, Camille Senon, 93 ans, rescapée du massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition du Premier ministre de l'élever au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite. Il y en a une page. Et ils nous disent « Oh, les Français n'aiment pas les réformes !» Ah bon, mon œil. Quand en 1946, Marcel Paul a nationalisé l'énergie, quand Maurice Thorez a créé le statut de la fonction publique, quand Paul Langevin a conçu le CNRS, quand Ambroise Croizat a bâti la sécurité sociale, généralisé les retraites, conçu les CE, comités d'entreprise, la médecine du travail, la prime prénatale, l'allocation de salaire unique, la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, la formation professionnelle, les Français ont adoré. Kim Jong-un annonce en conférence de presse que la Corée du Nord enverra un homme sur le soleil d'ici 10 ans. Ah. Ouais. Un journaliste fait remarquer que le soleil est extrêmement chaud. Comment un homme peut-il atterrir sur le soleil? Toute l'assistance est abasourdie et silencieuse, jusqu'à que Kim Jong-un réponde « Nous allons nous poser la nuit ». Alors tout le monde se lève et applaudit frénétiquement. À la Maison-Blanche, Donald Trump et son équipe ont écouté la conférence de presse. Trump se lève et s'exclame « Quel idiot! Il ne sait même pas qu'il n'y a pas de soleil la nuit !» Alors tout le cabinet se lève et applaudit plus frénétiquement encore. Ben oui, il y a des peuples qui sont plus cons que d'autres, hein, ça arrive. HSBC, 13 milliards de bénéfices, 50 000 emplois supprimés. Ils mettent en place des stratégies pour garder le moral. Paul Raoult, père de Sébastien Raoult. À suivre, affaire à suivre. Oui, à suivre, attentivement. Ça nous donnera des indications sur la manière dont fonctionne le monde, dont le gouvernement français reçoit des ordres venant d'ailleurs. Macron démolit le réseau des lycées professionnels. Très vite, on verra la pénurie de salariés et cadres intermédiaires hautement qualifiés. Le tout apprentissage, l'école à l'entreprise, le marché du savoir professionnel, c'est la faillite assurée du pays. 14 septembre 2022, signé Jean-Luc Mélenchon. Les enfants ramassent plus de 27 kilos de détritus durant, alors, Birmont, hein, durant leur World Clean Up Day. World Clean Up Day. World Clean Up Day. What is it? Was ist das, bitte schön? Une französische. Natürlich. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Eh oui, cette sagesse s'est prononcée par le Dalai Lama. Sébastien Raoult, détenu au Maroc, parents et soutien en force au marché, à Remiremont. C'est il y a déjà quelque temps. Mais ça traîne, ça dure, ça dure. Macron-Mélanie, un tandem qui peut fonctionner, point d'interrogation. Hitler-Mussolini, ça a marché, hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et c'est nu. Le premier régiment de tirailleurs s'ouvre aux ados. Ah, voilà. Vous voyez, il y a du chômage. Mais non, il y a du chômage. Hein? Des hackers utilisent sa société pour pirater plus de 21 000 cartes bancaires à gendarmerie. Voilà, voilà. Enfin, c'est comme ça. Pour Amnesty, le Qatar ferme les yeux. La bataille des chiffres a longtemps fait encore rage sur le nombre de travailleurs décédés au Qatar depuis 2010. L'estimation de 6500 morts du Guardian reprise en boucle est à opposer aux 37 chiffres avancés par les autorités qatariennes. Voilà. Et en France, il y a combien de morts par accident du travail et par maladie professionnelle? Ah, pas, c'est pas pareil. La France est un pays civilisé. Ah, allons. Accident du travail, maladie professionnelle. Allons. Pénurie d'électricité. RTE prépare des scénarios de délestage. Eh oui. Michelin devrait limiter la casse jusqu'à la fin de l'année, à Golbey. Vous voyez, c'est vite fait, c'est vite lu les journaux, hein, une page de 30 cm sur 40, sur presque 50, 45 à peu près. Eh ben voilà, ça tient dans un titre. Augmentation des salaires, pensions et minima sociaux. C'est une banderole de 6 mètres de long, tenue par des militants CGT. Il y a quelques FO aussi. Oui, ouais. Et puis du FSU. On veut pas de CFDT. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la CFDT? Vous savez, c'était un syndicat. Enfin, ça se prétendait un syndicat, ce machin-là. La CFDT. Oui, c'était, paraît-il, un syndicat. Oui, c'était. Ah oui, ben oui. Il y en a qui ont cotisé pendant des années. Il n'y a pas de raison que seuls les salariés payent la crise, dit... La solution, ce n'est pas de réindexer les salaires sur l'inflation. Sinon, on entretient une hausse des prix. Le premier point, c'est d'aider les Français à retrouver du travail. Aider les Français à retrouver du travail. Deuxième chose, qu'on gagne mieux avec ce travail. Et c'est signé, Emmanuel Macron, mercredi soir sur France 2. Hein? Eh oui, 27 octobre 2022. Ah là là là. Ah là là là là. Aïe aïe aïe. Enfin. Ouais. Ouais. Comment le changement climatique menace la santé mondiale? Voilà, insécurité alimentaire, vague de chaleur, diffusion des maladies infectieuses et des impacts néfastes sur la santé. Le rapport 2022 du Lancet Countdown alerte sur les conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles et invite à prendre des mesures rapides. On s'en fait 40 ans qu'on parle de ça, hein. Pourquoi la BNP est sur le grill? Ah. BNP Paribas a le doigt posé sur le détonateur de ces bombes climatiques. les trois ONG qui ont mis en demeure le géant bancaire français. Mmh. Oh, ils sont méchants, ils sont méchants. Faut pas vouloir en vouloir aux riches quand même. Si on en veut aux riches, c'est qu'on est jaloux. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais oui, les 10 familles qui ont le plus augmenté dans notre pays, dans notre panier. Viande, les familles de prix, de produits. Viande surgelée, en moyenne, 25,8%. On va s'occuper uniquement des premiers prix. Hein. Pâte alimentaire, 43,4%. Huile végétale, 41,9%. Beurre et crème, 23,2%. Papier hygiénique, 15,8%. Œufs, les œufs, 22,1%. Café torréfié, 18,4%. Pain industriel, 20,2%. Légumes en conserve, 13,3%. Et farine, 27,2%. Voilà. Bon, voilà, monsieur. Hein, c'était évolution mesurée entre septembre 2021 et septembre 2022. Oui, c'est des détails. Les prix qui augmentent, les salaires qui n'augmentent pas. Bon, c'est des détails. Hein, mais oui. Et puis, après tout, on a voté comme on a pu. Hein. On était mal informés par les journaux, les télés, les radios, etc. Sauf les radios libres, réellement libres, les vraies. Vraie radio, vraiment libre. Ah oui. Eh bien, alors forcément, on a été enduit avec de l'erreur, dit Coluche. Hein. Et puis on a voté contre nos intérêts. Eh oui, on a mis 6 balles dans le barillet du pistolet, on a fermé le barillet, on a appuyé sur la détente, et bing, une balle dans le pied, bing, une autre. Oh. Eh oui, oh, c'est comme ça quoi. On vote mal parfois. Eh oui, on se tire dessus. Et puis après on pleure. Après, on n'est pas content. Bernard Langlois, né le 17 août 1945, est un journaliste altermondialiste français. Il est notamment le fondateur de l'hebdomadaire Politis, spécialiste des rapports Nord-Sud. Bernard Langlois est membre fondateur de l'association ATTAC. Alors, sa carrière... Il fait ses premières armes au Dauphiné libéré en juillet 1963, quelques mois avant d'entrer dans une école de journalisme. Il est d'abord tour à tour reporter à la Vie catholique illustrée de 1966 à 1968, reporter présentateur à radio à Europe 1 de 1968 à 1970, présentateur du JT. Télé les nuits à l'ORTF, première chaîne de 1971 à 1972, rédacteur en chef de Tribune Socialiste, hebdomadaire du PSU. PSU, qu'est-ce que c'est déjà le PSU? PSU, Tribune Socialiste, hebdo du PSU. Ah, PSU, Parti Socialiste Unifié, de 1972 à 1974. Voilà. Ah oui, Bernard Lang, c'est pour avoir minimisé de manière ironique la mort de Grâce de Monaco. Cela ne changera rien au destin de l'humanité. Ouvrons les guillemets, hein, c'est lui qui parle. Cela ne changera rien au destin de l'humanité. Juste un deuil ordinaire, l'appel ordinaire d'une famille célèbre qui nous était familière par la grâce des gazettes. Fermons les guillemets. Et souligner que celle-ci était moins importante que l'assassinat survenu le même jour du président Bachir Gemayel en pleine guerre du Liban, que Bernard Langlois fut limogé, bien sûr. Hein, voilà. Hein. Alors, il est ensuite producteur et animateur de l'émission Résistance sur Antenne 2 de 1983 à 1986. Vosges Matin, du lundi 7 novembre 2022. Placé à l'isolement à Ravenel, le jeune autiste en sort un an après. Ça vaut pas le coup de lire tout l'article, hein. Le titre suffit. Le gouvernement ressort le 17 novembre aussi. Le gouvernement ressort son dividende salarié, entre guillemets, dividende salarié. Enfin, c'est le journal qui l'a mis entre guillemets. Syndicats et patronats entament mardi une négociation sur le partage de la valeur ajoutée des entreprises. Le ministre de l'économie a pour sa part relancé dimanche la création d'un dividende salarié. Qu'est-ce que c'est qu'un dividende salarié? Oh, il faudra avoir la définition de cette expression-là. Sur le modèle du dividende des actionnaires. Ben oui, salariés, actionnaires, même combat, hein. Mais oui, on a embarqué sur le même bateau, hein. Allô. Eh oui, des couchettes qui sont plus confortables que d'autres. Il y a des endroits qui rapportent plus que d'autres. Eh oui, si on travaille au fond de la cale, on gagne pas pareil que si on est dans... Ben non. Une fillette de 3 ans tuée par la chute d'une cage de foot. Eh oui, le foot, ça peut être dangereux aussi. Hein. Ouais. Vers la fin des démocraties. Point d'interrogation. Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise. À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, les propos du président américain Joe Biden résonnent comme un avertissement dans les pays occidentaux, où la démocratie libérale représentative est au bord de l'épuisement. Voilà. Oh oui, oh ben c'est des choses que, comme ça. Je disais tout à l'heure que les électeurs allemands en 1933, ils avaient voté contre la démocratie. Ben oui, parce que Hitler, dans Mein Kampf, il avait écrit en toutes lettres, et assez longtemps à l'avance, que j'utiliserai la démocratie pour détruire la démocratie. Hein? Voilà. Donc les électeurs allemands qui avaient lu quand même un assez grand nombre Mein Kampf étaient un peu prévenus quand même. Ils pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Eh ben oui, mais voilà. Et voilà. Ah oui. Faudrait qu'il y ait un petit examen quand même avant d'obtenir la carte d'électeur. Pour avoir un permis de conduire, on passe un examen. Pour avoir un permis de chasse, il faut passer un examen pour, hein. Eh oui. Des questions simples, du bon sens, simplement, hein. Mais, bon, non. Le droit de vote s'attribue comme ça. Et puis, enfin, bref, voilà. Il y en a qui en profitent bien, qui vivent bien toute leur vie. Pendant ce temps-là, les autres, ils sont au chômage, dans la misère, hein. Vengeance individuelle, procès expéditif, désobéissance civile, les appels à se passer de justice, à passer au devoir, au-dessus des tribunaux, se multiplient dans le débat public, y compris chez certains élus. Et oui, on pourrait peut-être inventer une sorte de tribunal populaire, local, hein, par quartier, par ville, ou je sais pas, etc. Ou un juge amateur, ou un juge en retraite, ou un syndicaliste bien au courant des lois en vigueur, trancherait, ferait un premier tri de tous les litiges qui existent, et n'offrirait aux juges professionnels que les affaires restantes qu'il ne peut pas régler lui, parce qu'il n'est pas vraiment professionnel, et que... Voilà. Bon, par exemple, voilà, on éliminerait une bonne partie des dossiers, ce qui fait que les juges auraient plus le temps de faire le travail à fond, et de le faire assez rapidement quand même, hein, assez rapidement, et puis de façon assez juste, hein. Une pièce d'exception découverte en 1886 revient au musée, à Grand. Le musée de Grand a annoncé ce dimanche le bilan des recherches menées en 2022 aux alentours de la commune. C'était aussi l'occasion de présenter une pièce exceptionnelle, récemment acquise, un récipient en bronze découvert dans un puits de Grand en 1886. Alors on voit la pièce se présenter sur une sorte de tabouret, hein, et éclairée par une lampe de poche tenu en main par le conservateur du musée, Thierry de chez le prêtre. Voilà. Cette marmite de bronze a erré dans la nature pendant plus d'un siècle avant de refaire surface. Bon. Le laboratoire d'analyse menacé de se mettre en grève. Oui, les biologistes dénoncent la ponction de 250 millions d'euros que le gouvernement entend leur imposer. Ah oui, c'est vrai que les laboratoires d'analyse, les laboratoires privés, pas des hôpitaux, ont fait des affaires quand même avec la Covid. Oh oui, beaucoup, beaucoup d'affaires. Et le gouvernement prétend leur prendre une partie de leurs bénéfices. Hein? Ah, c'est pas gentil, ça. Hein? Ah non, le gouvernement n'est pas gentil, mais ira-t-il jusqu'à... Non, comprends? Non. Eh non, ils sont du même côté. Ils sont du même camp. Ils sont du même clan. Armes biologiques qu'on les utilise depuis plus de 3000 ans. Alors, je répète. Armes biologiques, deux points. On les utilise depuis plus de 3000 ans. Inodore, invisible, insidieux, virus et bactéries ont longtemps fait partie des arsenaux militaires. Des cadavres de pestiférés catapultés en 1346 dans Kaffa assiégé. Au courrier contaminé à l'anthrax en 2001, les armes biologiques fascinent et terrifient. Une étude fait même remonter leur utilisation au XIVe siècle avant notre ère. Des indices d'une première attaque biologique auraient déjà été retrouvés chez les Hittites. Eh ben voilà, heureusement qu'ils n'avaient pas la bombe atomique à ce temps-là, les Hittites, hein, parce qu'ils auraient fait les Hittites ou les Égyptiens ou les Grecs ou les Romains. Ils auraient fait des... Bien sûr. Hein, voilà. A, B, C, hein, tiens, le début de l'alphabet, tiens, c'est déjà un parleur, hein. Nous, moi, je me rappelle d'un gradé qui nous a parlé en 1965-66, par là, hein, ça, il y a longtemps, de la guerre ABC. Alors, il disait ABC, c'est A, atomique, il nous a dit, bon, vous savez déjà ce que c'est, je vous en parle pas, B, bactériologique, et C, chimique. Alors, on nous a parlé un peu de la guerre bactériologique. Le RN, plébiscite Jordan Bardella. Bon, ben ma foi, si la plèbe, c'est-à-dire le peuple, soutient Jordan Bardella, ma foi, faudra pas qu'il vienne se plaindre, hein. Eh oui, ceux qui ont mal voté en 33, ceux qui ont suivi Mussolini en 1920, etc., etc., ils ont payé le prix fort, ils ont payé très très cher leur décision, leur manque de décision, parce que c'est pas forcément une décision, c'est pas forcément un acte positif. C'est pas forcément un acte volontaire, hein. Ça, parfois, c'est induit, c'est, voilà. La presse, la radio, la télé servent à induire, hein. Eh oui, induire des idées ou des pseudo-idées. Énergie, EDF, prier de débrider barrages éoliennes et éoliennes. Ah bon, pourquoi ils, ces gens-là, ils s'amusent à brider des moyens de production de, oh là là là là. Allons. Voyons. Qu'est-ce qui a bridé les centrales nucléaires, qui les a débridées puis qui les a rebridées? Sécurité routière des motards contre le contrôle technique. Ah bon? Les motards sont des citoyens à part. Ben oui, motards à part, ça rime ensemble. Et ils ne veulent pas obéir aux lois ordinaires de la République, voyons. Ils sont au-dessus de tout ça. Ce sont des sortes de chevaliers. Hein? Eh oui. Les chevaliers, la chevalerie. Ah. Nos ancêtres, les nobles. Guyane, 5 ans de prison pour 40,8 kilos de cocaïne. Oh, il y a une époque où les gens pouvaient ramasser 5 ans de prison pour 30 ou 40 grammes de cocaïne. Puis maintenant, ça s'est répandu tellement que... Oh, c'est presque devenu un produit de consommation courante. Et puis, d'une certaine manière, ça fait l'affaire des gouvernants. Oui. Du temps que les gens ils parlent de cocaïne, sans quitte de parler de chômage. Hein? Ah oui. Une drogue remplace l'autre. Keolis a recruté des conducteurs de bus et de cars dans la rue. À Mirecourt, ce samedi, la filiale de la SNCF, spécialisée dans le transport en autocar et en bus, est venue au devant des Mercursiens qui effectuaient leurs courses dans la matinale au marché hebdomadaire et dans l'après-midi sur le parking d'hypermarché. Voilà. Alors Jean-Marie Teutsch et Amandine Duru ont proposé un emploi aux Mercursiens durant toute la journée. Ah, vous voyez, ils sont obligés de faire du racolage, les employeurs. Vous voyez, ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. Il y a 6 millions de chômeurs. Et puis ils n'arrivent pas à recruter, hein? Ah, ils n'ont pas de chance, hein? Ils n'ont pas de chance. Ah non, les chômeurs n'ont pas de chance, puis les recruteurs non plus. Ils n'arrivent pas à se rencontrer. Ah là là là là, ça se terminera mal tout ça. Ça se terminera mal. 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1933, Hitler au pouvoir la même année. Philippe Martinez, prendre l'argent là où il se trouve. Philippe Martinez, le patron de la CGT. Tiens, il y a un patron à la CGT. Je savais pas que le dirigeant d'un syndicat s'appelait le patron. Le patron de la CGT. Ceux qui écrivent des articles dans la presse, ils sont pas forcément toujours au courant. Ou ils n'ont pas envie qu'on soit au courant, nous. Hein, ils s'induisent en erreur pour nous induire en erreur ensuite. À passer une journée... C'est peut-être pour ça qu'on a inventé les radios libres à une certaine époque. Pour avoir une information un peu libre quand même. Il s'agit pour le syndicat de remporter les prochaines élections professionnelles le 8 décembre dans la fonction publique. Les leaders, L-E-A-D-E-R. What is it, leader? Is it a French word, leader? De la centrale est venu soutenir ses troupes, ses amis douaniers à Metz, puis les camarades de l'EHPAD de Boulay, Moselle, et ceux de la ville de Stiring-Wendel, pardon, j'ai mal lu. Je vois pas trop bien, là. Hein, n'oubliant pas le combat essentiel, la hausse des salaires. Bien sûr que c'est possible, malgré les coûts énergétiques. Il ne faut pas tout remettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Les prix de l'électricité dépendent de ceux du gaz, qui dépendent eux-mêmes des lois du marché européen. Il faut sortir de cette économie de marché, et bien sûr, on peut financer la hausse des salaires en prenant l'argent là où il se trouve. Oh, moi je trouve qu'il exagère cet homme-là. Hein. En prenant l'argent là où il se trouve. Vous rendez compte un peu ce qu'il dit? En prenant l'argent là où il se trouve. Eh ben. Oh là là. En référence à Total Energy et ses substantiels bénéfices, quand on voit que son PDG s'est augmenté de 52%, quand on voit que son PDG s'est augmenté de 52%, et il ne gagne que 1 500 € par mois, le monsieur. Il ne gagne pas 1 500 € par mois, le monsieur. Il ne gagne pas 1 500 € par mois. Ah non, il gagne un peu plus, hein. Ah oui. Alors, faudra un jour se débarrasser de cette caste-là, quand même. Hein, si un jour on a un peu de sang sous les ongles, nous autres les électeurs, nous autres les citoyens, nous autres les consommateurs, eh bien, il va falloir qu'on réagisse, qu'on licencie tous ces députés, ces sénateurs, ces ministres-là qui ne valent rien. Rien. Le résultat de leur action, c'est négatif. Purement négatif. 6 millions de chômeurs dans un pays civilisé, c'est impossible. Un pays civilisé, je dis bien civilisé. Chiffre d'affaires, Stellantis continue d'exploser tous les compteurs. Eh oui, ben oui, les bénéfices augmentent beaucoup. Alors, Eagle of Death Metal. Ça veut dire quoi? Eagle, c'est aigle. Eagles, au pluriel. Of, deux. Death, mort. Metal. Alors, ben, no comment, point d'exclamation. Because, point d'interrogation. Parce que... Alors, bon, encore des petits papiers pris sur Internet. Hein. Je rappelle à tous les fachos qui arborent la croix chrétienne sur leur compte que le premier des commandements est, deux points, ouvrons les guillemets, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fermons les guillemets. Il n'est pas précisé que ton prochain soit blanc, catholique, est muni d'un titre de séjour ou d'une carte d'identité.